disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 36. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à notre nouvelle adresse email que je vous donne tout de suite, dempart@setemplar.com, dempart, D-E-M-P-A-R-T, @setemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire, si vous le souhaitez, sur notre forum Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante, eelb.su. Si vous ne connaissez pas le forum déjà, il y a plusieurs rubriques, bien évidemment. Vous pouvez commenter les émissions, commenter les articles d'actualité qui paraissent sur le site Démocratie Participative, dont l'adresse a changé, vous l'aurez remarqué, hein, démocratie-participative.buzz, B-U-Z-Z. Donc sur le forum, il y a différentes catégories, crypto-monnaie, il y a un guide racial des villes, rubrique féminisme et femmes aussi, révisionnisme historique, rubrique informatique, etc. Donc si jamais vous avez des questions de l'informatique à poser, n'hésitez pas à vous reporter sur le forum. Voilà, c'est un espace de discussion entre membres, bien évidemment. Avant de présenter les membres de la semaine, je tiens à remercier, alors j'ai pas de donateur en particulier cette semaine à citer, c'est assez rare d'ailleurs, mais je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent anonymement en utilisant Monero. Vous savez que le site, le forum, mais aussi, l'émission, enfin tout fonctionne grâce à nos lecteurs et auditeurs, et exclusivement grâce à eux. Nous n'avons pas le loisir de pouvoir nous faire subventionner par l'État ou le ministère de la Culture, encore moins par les plateformes traditionnelles comme Tipeee ou utiliser PayPal, etc. Donc uniquement grâce à nos auditeurs et lecteurs. Donc merci à eux, ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne nous envoient pas de courrier, mais si vous nous soutenez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par email à l'adresse que j'ai donnée précédemment pour qu'on vous remercie en début d'émission. C'est la moindre des choses, ça nous fait bien évidemment plaisir. Alors maintenant, je procède à la présentation des membres qui sont avec moi cette semaine pour commenter l'actualité. C'est d'abord Wittmann qui est avec nous. Salut Wittmann, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, je vais bien et bonjour à tous. Elle est aussi avec nous cette semaine, comme toutes les semaines, Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, bonjour à tous, et je vais bien, merci. Elle est aussi avec nous cette semaine, Pierrot. Je suis ravi de l'avoir avec nous, Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Devrait nous rejoindre normalement, sous toute réserve, Popovic. On va pas tarder à le voir surgir dans l'émission. Enfin, je sais pas quand, mais je pense qu'il sera là. Et enfin, est avec nous cette semaine, ça nous fait plaisir, son éminence, le cardinal Derrick. Et cela tombe particulièrement bien parce que dans la rubrique courrier des lecteurs, nous avions besoin d'une direction spirituelle. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bienvenue, cher cardinal, vous êtes ici chez vous. Oui, salut Gandalf, bonjour à tous, et effectivement, oui, je me retrouve parmi vous, après avoir senti l'odeur exquise du cadavre de Michel Toubiana, donc je viens fêter ça avec vous. Oui, alors on peut le dire, hein, on a déjà ouvert les bouteilles en fait. Hein, Oui. Oui, on peut le dire. Alors messieurs, sans transition aucune, on attaque l'émission, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier, alors c'est un auditeur qui est en difficulté, vous allez comprendre pourquoi, il a besoin qu'on lui remonte le moral. Alors, Bevet Bryce, Bryce Atao. Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. Je vous suis depuis le début, et pour Gandalf, même avant. Vous êtes toujours un plaisir à écouter, et particulièrement bon pour le moral, surtout en ce moment, car je suis hospitalisé. Je me présente, j'ai 27 ans, et je suis libraire en BD, donc bande dessinée, hein, milieu rongé par la gauche. Très récemment, je me suis blessé, rein touché, et me retrouve hospitalisé depuis 5 jours, maintenant et pour encore sûrement tout autant, plus 3 mois d'arrêt de travail derrière. Alors, je vous livre ici mon expérience. 15 minutes après ma chute, je décide d'aller à pied à l'hôpital, qui se trouve à 5 minutes. Quelle erreur! J'arrive à l'accueil des urgences en pleurs de souffrance. Je ne le savais pas encore, mais j'ai une fracture du rein, c'est-à-dire que le rein est coupé, et une fracture du coude. Le nègre de l'accueil me regarde d'un air non concerné et d'une lenteur me demande « Votre carte vitale ?» Puis, votre adresse. Puis encore 5 questions tout aussi urgentes. Je patiente alors 1 heure en salle d'attente et à me tortiller avant de me lever et de les invectiver. C'est les urgences ici ou merde ? 2 vigiles nègres surgissent. Tu attends ton tour ! N'ayant d'autres solutions, je suis obligé d'obtempérer et d'attendre au milieu du tiers-monde qui sont là pour un orteil foulé. D'ailleurs, personne ne bronche. Donc vous imaginez, dans la salle d'attente, il a un rein en fait qui est en rideau. C'est horrible. Le coup de pété, et t'as des nègres agressifs qui lui disent de fermer sa gueule et de souffrir en silence. Ça, voilà. Bref. Alors, arrive 17h. Appelé à 21h. Non, arrivé à 17h, pardon. Appelé à 21h, l'infirmière me reçoit, et après avoir brièvement ausculté mon bras, me fait pouic-pouic avec son doigt sur mon ventre avant de me relâcher pressement avec mon premier antidouleur inefficace. Il a fallu que j'attende que le docteur orthopédiste me reçoive pour me mettre tout de suite sous morphine et me faire passer un scanner en compagnie d'un urologue. Un conseil, n'allez pas aux urgences de vous-même et appelez les pompiers. Je vais faire court pour le second point. Une fois passé l'accueil, l'hôpital est un cliché. Tout en haut, il y a les docteurs. Chaque docteur est entouré de 2 nénettes qui le suivent partout et ne servent à rien. Donc si une femme est docteur, elle s'en transforme en nénette suiveuse. Catégorie suivante, les infirmières, 100% femelles. Les hommes, eux, sont brancardiers. Une femme, instinctivement, veut soigner l'homme meurtri. Parmi les infirmières, on distingue 2 types. Les ariennes, connaissent leur métier, sont investis, dirigent, bien que pas très intellectuellement et culturellement élevés. Les autres, mais particulièrement les négresses, en plus d'être l'inverse, donc des ariennes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas prendre la température, piquent au mauvais endroit, etc. Je vous donne une discussion type, donc avec une infirmière donc issue de, venue d'Afrique. Vous m'avez appelé, monsieur ? Oui, j'aurais besoin d'antidouleur, s'il vous plaît. Bon, j'arrive, hein, mais après j'ai fini mon tour. Vous n'imaginez pas la lenteur de la guenon. Ça traîne des pieds, ça s'arrête 10 secondes, regarde à droite, à gauche, plein de gestes inutiles, lentement. Mon message est déjà trop long, je m'arrête là. Chers amis, je vous salue affectueusement. Et là, donne un petit message, une citation hein, en guise de post-scriptum. Alors, qu'importe que l'on nous acclame ou nous donne le monde entier, nous l'entraînerons dans les flammes et nous en rions volontiers. Et c'est signé Vince. Bon, vous reconnaîtrez bien sûr la référence. Je veux le croire. Le chant du diable. Le chant du diable, bien évidemment. Alors, messieurs, Petite session à l'hôpital, ça faisait un moment, hein, on a eu des descriptions d'hôpitaux déjà par le passé. Bon, je commence par dire que je souhaite un prompt rétablissement à notre auditeur, il n'a pas eu de chance quand même là. J'ai mal pour lui, je ne savais même pas que ça existait. Et je ne savais pas que ça existait. De ce fan roller aim, bouf ouais. Ah ouais, terrible. Terrible, Filippo, terrible. Ça lui arrive souvent. Donc bon, prompt rétablissement, cher Vince. Hein, bon, ça va aller. Hein, mais là, je crois que bon, vous avez la douleur, vous souffrez, vous êtes donc sur votre lit de douleur. Mais vous espérez quand même qu'on va vous accompagner vers la sortie. Puis là, vous découvrez en fait la question raciale sous son aspect pratique, en fait, parce que ça peut paraître parfois abstrait ou alors exclusivement visuel. C'est-à-dire que vous voyez la diversité dans les rues, c'est insupportable. Mais vous pouvez faire votre petite vie à côté. Mais malheureusement, il y a des moments dans la vie où vous subissez la diversité, que ça vous plaise ou non. Et là, pour le coup, sur votre lit d'hôpital, bah, vous la subissez de plein fouet. C'est-à-dire que vous subissez leur incompétence, leur lenteur. Alors, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire là sur les infirmières africaines nonchalantes et totalement incompétentes, et à la limite de tuer le patient, en fait, hein. C'est assez classique, hein. Enfin, là, le tableau que nous a fourni ce cher Vince, de l'accueil où tu es accueilli par des nègres, des vigiles où tu as des nègres qui te, hein, qui viennent te remettre dans les clous si tu suis pas le parcours fléché, aux infirmières nonchalantes qui traînent des pieds. C'est très c'est l'hôpital français. Oui, c'est français, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais n'empêche que quand même, imaginez ce qui serait passé si on avait un système ultra-libéral, on n'aurait pas de soins et tout. Je veux dire. Oui. Là, on est quand même pris en charge, je veux dire, tu vois ce que tu vois. C'est le sketch des inconnus, en fait, qui nous raconte, hein, avec Marie-Thérèse. Ouais. Oui, sketch qui a 30 ans quand même. Hein, c'est pas une ride. Hein. C'est vrai que l'humour des inconnus, c'est quand même quelque chose. Hein. Et comment ça s'appelle, enfin, là, on a effectivement au niveau des urgences, c'est des services qui sont énormes, qui sont là pour accueillir tous les nègres, les arabes qui viennent c'est des dispensaires de brousse, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que si vraiment tu as une vraie urgence, comme l'a dit Vince à un moment donné, c'est d'appeler soit les pompiers, soit le SAMU. Là, tu pourras déjà être pris en fait, surtout quand tu as une blessure assez sérieuse. Donc, au standard, tu tombes sur aussi une maigresse. Oui, peut-être. Ouais. Bon, généralement, standard, essayer, c'est sûr. Mais... sur des blanches, ou plutôt des blancs ou des blanches. Ils ont pas un... être assez réactif, il faut faire le tri dans les infos. Ça demande un petit effort cérébral que les maigresses sont perdues. Là. C'est ça. Oui, ils arrivent. Bon, quand tu appelles, en général, c'est plutôt le contraire. Tu veux. C'est-à-dire qu'ils en ont marre des nègres qui appellent. Ouais. Ça réagit assez bien. Ouais, parce qu'ils font pas vétérinaire, les types, tu vois. Ils se disent, c'est pas pour nous. Alors, imagine être au standard chez le SAMU, te taper toute la faune africaine, ça doit être à se faire exploser la tête. Souvenez-vous, là, quand il y avait eu une négresse, oui. Là, alors qu'il, pour le coup, il s'est trouvé qu'il y avait une négresse qui était vraiment mourante. À chaque fois, ils ont tellement l'habitude d'avoir des nègres qui appellent et qui disent « Ah, je meurs ouais. Là, ils en ont une, elle était morte. Bon. Et s'y entendait au son de sa voix, peu cher. C'était la nana qui se tapait tous ces appels-là. Elle en avait clairement plein le cul des nègres. Hein, pour le bien sûr, évidemment. Parce que pour le nègre, tout lui est dû. Hein. Donc lui, il a un petit bobo. Il appelle les blancs là, venez me soigner, je vous raconte ma vie. Si c'est à la maison. Sa majesté chez lui en France. Hein, déjà, oui. Donc oui, déjà c'est normal quoi, qu'il soit traité avec les égards qui sont dus à son rang. À noter que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers. En fait, il y a beaucoup d'infirmiers qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, dans tous les instituts psychiatriques, parce que. Oui. Parce qu'il faut un peu gérer les types quand ils s'excitent, même quand, vous savez, un bonhomme, même s'il fait 50 kilos et qu'il est en crise, généralement, il faut un ou deux types costauds pour arriver à bien calmer sans les faire de mal, bien sûr. Et donc là, généralement, les femmes ne crient pas à l'inégalité, vous savez, Ouais, c'est bien dommage. D'ailleurs, moi, bizarre. je pense que c'est un cliché, hein. Moi, je pense qu'il faut mettre des femmes dans les hôpitaux psychiatriques pour prendre en charge justement tous les patients sans regard pour le sexe, hein, je veux dire. Bien sûr. Et puis si on fait une nouvelle guerre de tranchées, les premières lignes, il faudrait que ce soit assez mixte, Ah je pense. oui, hein, moi je pense. Hein. Et puis avec des kits Tampax et tout ça hein, dans la musette. Hein. Ah bah, Bilal Hassani en première ligne. Hein. C'est Ah oui. Même les femmes en première ligne. l'avant-garde de la civilisation. Bah, il veut représenter la France, pas seulement pour l'Eurovision, juste pour voilà, le champ de bataille aussi. Allez. Ah, il pourra amener Jack Lang faire visiter comme ça sera très bien. J'ai vu une très belle photo de Jack Lang avec Bilal Hassani à l'Institut du monde arabe. Et je pense qu'il y avait en fait une espèce de communion qui passait par l'anus. Moi, j'ai vu cette photo, je l'ai baptisée Paris. Ce qui me rappelle le dernier cliché que j'avais vu de Jack Lang, cette vieille peau fripée, c'est un Devant vieux. Notre-Dame qui boule, avec le Voilà, c'est sourire. ça. Ouais. Il y avait Oui, ce bien vieux sûr. beau devant Notre-Dame qui brûle. Non, mais je veux dire, il y a une indécence de cette époque et de ces gens qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les mecs prennent des selfies devant le notre... Mais moi, je pense, bon, là, ce serait dévié beaucoup, mais je vous rappelle qu'il y avait Michelle Obama qui était sur un ferry en train de boire une coupe de champagne alors que la cathédrale était en train de brûler. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui, bien sûr. Et en fait, moi je pense que le truc était téléphoné, que c'était un petit peu une sauterie, un petit peu où toutes les personnes devant être présentes ont été invitées, voilà, avec cocktail et tout. Et donc on avait le vieux Jack Lang là, qui était en train de se prendre photo, ça m'a rappelé ça. Alors quand j'ai vu Bilal Hassani, raccord. Mais en fait, il est chez lui à l'Institut du Monde Arabe, tu vois. Il est vraiment à la maison, quoi. Hein. Parce que c'est lui le patron de ce truc-là. Il a plus de 80 balais. Hein. C'est ça. La dernière vidéo que j'ai vue aussi, c'est il était dans une ville du sud de la France, je sais plus où, et il se faisait courser par des gens qui le traitaient de pédophile. Et vous vous rappelez ça? C'est il y a un an, ça, maximum. Hein. Oh, même Oh, moins il manque ça. ça, il manque ça. Ouais. Il était là, T'es pas rassuré, le juif. Ça me rappelait des. Enfin, je me suis remémoré des moments de l'histoire médiévale. Là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors bon, on s'écarte un peu de l'hôpital français. Bah, l'hôpital français, il est un peu sous les feux des projecteurs, puisque finalement, avec toute l'histoire du Covid et tout. Alors, les infirmières, dans un premier temps, ont cru qu'elles étaient les nouvelles stars. D'ailleurs, elles ont été les nouvelles stars pendant une bonne année, hein, quand même. Hein. Oui, Elles étaient oui, sur oui, TikTok et tout. Elles disaient qu'elles avaient même sauvé la France. Elles disaient on était en première ligne. Tu sais, il y avait vraiment une allusion à la Première Guerre mondiale et tout. Il y avait, je sais pas si vous vous rappelez de ça, les gens ont peut-être oublié, compte tenu de l'espèce disque moyen du bulot de base. Mais pendant de longs mois, nous avons eu ces séances très étonnantes où les zombies ouvraient grand leurs fenêtres pour taper dans leurs oui. mains dans le vide. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Si. Vous vous rappelez de ces séances collectives Les mecs sortaient sur leur balcon avec un masque pour applaudir. pour applaudir. Hein. Ça, c'est. Alors, si vous dites, peut-être remémorez-vous ça bien, chers auditeurs. Prenez le temps d'aller sur YouTube et de regarder ça 1 ou 2 minutes pour voir le niveau d'abrutissement moyen du français en 2021. 2020, 2021. Bon. Et donc, c'était pour applaudir les infirmières, dont une part substantielle sont des Karima et des Fatoumata. Hein. Faut quand même l'avoir à l'esprit. Hein. Il y en a déjà. Dont les femmes, donc ces fameuses africaines, dont moi je me rappelle hein, dans la presse régionale, on louait les exploits surhumains, hein, consistant en fait à faire face à des hôpitaux débordés, parce que en fait on croulait déjà sous les morts hein, du Covid, hein, comme vous le savez, visiblement, enfin bon, apparemment. Et très souvent c'était des négresses. Et alors là, ça a été comme ça tout un moment où c'était des témoignages, c'était des revendications. Ça, bon, les infirmières traditionnellement demandent toujours hein, une revalorisation salariale. C'est peut-être justifié dans certains cas. ça dépend des infirmières, quoi. Donc voilà, donc c'est pour dire de quoi on sort. Et maintenant, là, enfin très récemment, bon, il y a eu l'obligation de la piqûre, hein. Et alors là, tout d'un coup, en fait, bah, les infirmières, c'était plus les divas du tout. C'est-à-dire, c'est tu te fais piquer ou sinon tu dégages. Et là, récemment, on a appris que Emmanuel Macron allait au Liban vider les hôpitaux pour repeupler les villes laissées par les infirmières qui, de star TikTok, sont passées au statut de chômeuses. Et donc, le Liban a perdu, d'après l'OMS, hein, le Liban a perdu en quelques mois entre 30 et 40% de son personnel soignant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour soigner les gens au Liban. Et on a découvert, en fait, sur Internet, de très belles annonces par des entreprises, enfin des réseaux d'hôpitaux privés, pour le coup, des réseaux d'hôpitaux recrutant directement au Liban, des réseaux d'hôpitaux qui étaient dirigés, surprise, par des séfarades. Hein. Bon, alors, ah. Oui, bon, voilà, donc, bon, bah, les divas TikTok virées, très vite remplacées sur demande de Macron et avec l'aide des réseaux de recruteurs séfarades par des Libanaises. Moi, je trouve ça très... Je trouve ça très, très, très... Très français. Très français, très, très branché, très 21e siècle. Voilà, très flux tendu. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Hein, Bon, alors, le niveau de prestation, bon, il sera ce qu'il sera. Hein. Donc, je dirais à notre auditeur aussi, quelque part, arrêtez d'être ingrat, Vince. Oui, ne sois pas ingrat, s'il te plaît. Hein. Entre les infirmières libanaises et les négresses, excuse-moi... Je préfère. Ah oui, les Libanaises. Je sais bien. Que ce soit les premières qui me soignent. Hein, pour oui, coup. Mais je parlais de réseau d'hôpitaux privés. Ah, oui. Donc il faut mettre un peu l'argent. Hein. Si tu es un gueux qui paye tes impôts et que tu vas aux urgences, les infirmières libanaises ne seront pas pour toi, cher ami. Pas facile. Gagner l'argent français. Bosser. Pas facile. Il y aurait un truc qui me ferait très peur. Imagine en France, t'es un jeune père de famille, enfin tu vas devenir père, et c'est une négresse qui accouche ta femme. Là, je crois que je tombe dans les pommes, moi. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir les choses avant. En tout cas, quand on est en France, parce que dans des pays civilisés, je pense que la question ne se pose pas. Mais non. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah voilà, en tout cas. Il va pas faire bon être malade hein, dans les années qui viennent en France, hein, je dirais. Voilà, faites comme moi, n'allez jamais au docteur, n'allez jamais voir le docteur, ne tombez jamais malade. Mangez une pomme tous les jours. Oui, bah enfin, des pommes, des œufs, un petit peu de tout. Quoi. Voilà, ouais. Voilà, alors ça c'était donc pour Vince, alors on souhaite un bon rétablissement bien sûr à Vince. Hein. Courrier numéro 2, les amis. Alors, Cardinal, toujours pour vous, là, on a besoin de votre expertise, plus particulièrement même sur ce cas, en fait. Question brûlante, dans lequel je suis sûr, alors, nos auditeurs ne vont pas se reconnaître, mais ils vont se remémorer des choses qu'ils ont déjà vues ailleurs. Alors, bonjour l'équipe, j'ai un ami qui est célibataire depuis quelques années. C'est un homme blanc de 40 ans. Jusqu'à présent, sa vie n'a pas été simple. Deuil, précarité et rupture douloureuse. Qui plus est, il a souvent été déçu par les femmes. Présent quand il le faut, il n'est cependant pas très finaux sur certaines choses. Je vais vous expliquer. Durant 3 ans, il a été très amoureux d'une jeune femme, mais malheureusement, elle l'a largué pour un autre homme. Par la suite, il en a été ébranlé psychologiquement. Lors d'une discussion entre potes, il nous raconte qu'il a fait... il y a quelques semaines, la connaissance d'une jeune africaine, hein, une Congolaise de 30 ans. En effet, celle-ci est la sœur d'une amie, que je n'ai jamais vue, hein, de mon pote. Donc, visiblement, il connaît une négresse, et cette négresse a une sœur. En tout cas, c'est ce qu'elle lui dit. Hein. Donc, cette dernière sert en quelque sorte d'intermédiaire. Ils se sont connus par le biais de son travail de livreur. La sœur est actuellement au Congo et ils communiquent via Messenger sur Facebook. Le roman d'amour a été déjà enclenché, donc au moment de la discussion. Il parlait de faire des enfants mulâtres avec elle, mais je lui ai déconseillé de le faire, surtout avec les conséquences sociales et bien sûr civilisationnelle que cela pourrait engendrer si tous les Blancs décidaient de faire pareil. Brésil bis, tiers-mondisation de l'Europe, violence sociale en augmentation, etc. Mais malgré mes avertissements, il continue de la fréquenter. Lors d'une soirée, il a passé une bonne partie de son temps à discuter au téléphone avec Fatoumata, avec un autre ami. On avait flairé le piège d'amadouer un Blanc un peu con et de lui faire un mariage blanc pour avoir des papiers français. Si ce n'est pas l'initiative de Fatoumata, hein, donc de la dulcinée en question, hein, ça pourrait être de la part de la famille. Il a comme projet hein, d'aller prochainement au Congo pour la rencontrer. Nous risquons d'avoir des surprises dans les prochaines semaines ou les prochains mois qui suivent. Merci à vous et c'est signé Ouranos. Alors, Derek, là, c'est ton expertise de négrologue, un docteur en négrologie, hein, qui est convoqué. Alors là, j'ai vraiment besoin de tes lumières, puisque il faut qu'on parle du sujet. Hein, donc, le Blanc de base, en fait, effectivement, un peu concon ayant été salement éprouvé par les femmes blanches qui décident de se rabattre sur une négresse, hein, une négresse du cru, pour le coup. Oui, alors, c'est-à-dire une négresse qui est encore, si tu veux, dans le centre de la langue française, hein, qui est le Congo. Oui, tu cites le président français qui a rappelé que l'épicentre avait bougé. Oui, l'épicentre de la France, hein, de la langue française, de ce qui fait, selon le président Emmanuel Macron. Il en était assez fier, hein, je veux dire, il était quand même très content de dire que la culture française est maintenant dans, dixit, hein, le bassin du fleuve Congo. Oui, oui, c'est... Ce qui n'est pas faux, je veux dire, factuellement. Ce qui n'est pas faux et ce qui, je crois, était ce qu'annonçait déjà Louis Ferdinand Céline. Donc, la prophétie se réalise. Voilà. Mais bon. Là, en l'occurrence, notre camarade, en tout cas la connaissance là, de notre camarade, oui, c'est... Il est mal barré. Oui. Après, oui. Oui. Tout ce qui, disons qu'il risque il va se faire plumer, ça c'est sûr. Déjà, il a mordu. Il est ferré. Bon, il va se faire plumer son pognon, ça c'est OK. Reste que si vraiment elles sont malignes, elles vont arriver à faire venir la négresse. La négresse va bien entendu, ils vont se marier, hein, très vite. Et alors soit il a du patrimoine derrière, c'est le cas, il risque de rejoindre Jésus, hein, peut-être assez rapidement. Et sinon, il risque tout simplement d'être beau-père. De peut-être 7 à 8 enfants, hein, parce que là, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, à mon avis, ouais. Il a dû se passer un peu de choses quand même. Hein. Voilà, donc il doit avoir quand même 7 ou 8 marmots derrière, hein, parce que ça commence tôt, hein, ces animaux-là. Quand elle va venir ici, bien entendu, bon, le zozio en question sera cocu comme pas permis. Hein, donc c'est... Voilà. Et puis finira mort s'il reste pas à sa place qui lui sera assigné, voilà, pardon. Oui, alors il y a un truc, évidemment le pigeon n'a rien vu, mais il n'est pas informé, mais déjà quand tu te maques avec une négresse, tu ne te maques pas avec une négresse, tu te maques avec la famille de la négresse. Déjà, c'est pas tout à fait pareil. Et la famille chez les nègres n'a pas le même sens qu'en Europe. Hein. C'est une famille très très élargie. Hein. Donc c'est évidemment les sœurs, les frères, les cousins, les grands-parents, les amis de la famille. Bon voilà, ça c'est très élargi. Donc ce qui va se passer avec le pigeon, c'est que il va régulièrement devoir cracher son cash, en fait. C'est que régulièrement, on va lui dire « Ah oui, mais là, mon frère, il est malade. Tu vois, mon frère est malade. Ah ouais, ma mère, elle va pas bien. Ça va pas. Elle a des douleurs. Il faut aller au village. Ça, c'est compliqué, etc. Il faut faire un virement, Western Union, etc., etc. Et le mec va se faire. Mais pendant ce temps-là, la négresse va copuler comme une guenon avec le type. Donc, il va rien comprendre. C'est-à-dire qu'il sera tellement, il va se faire sucer le sang par la négresse au plumard. Elle va pour se solidifier l'hameçonnage, elle va essayer de pondre un ou deux mulâtres avec. Ensuite, elle va probablement lui dire « Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, j'ai deux, trois gosses, truc. Voilà. » Voilà, il faut, voilà, et donc le mec va se retrouver dans une spirale. Et voilà, ça, c'est si elle lui fait le grand jeu. Si elle lui fait le petit jeu, c'est juste les papiers. C'est juste les papiers avec éventuellement un négrillon. Voilà, c'est juste les papiers avec un négrillon. Pour en fait pour mettre les autorités françaises devant le fait accompli et filer la paperasse, quoi, voilà. Mais là le mec là comme il est engagé dans sa tête, c'est terminé. Là il est complètement fini, il a plus de volonté, c'est un zombie, il est fini, quoi, tu vois. La meilleure chose qui pourrait l'arriver objectivement, le mec, c'est qu'il va sur place là-bas, il contracte Ebola, il meurt, tu vois. Ça c'est s'il a du bol, quoi. Mais je crois pas que ça va bien se terminer pour lui, hein. Malheureusement. Déjà, il a du bol, il est tombé sur une femme. C'est-à-dire, le mec qui converse comme ça sur Facebook et Messenger, il n'est pas tombé sur un homme brouteur qui lui fait croire que c'est une femme. Apparemment, il l'a au téléphone. Et puis, il y a quelqu'un qui lui aurait dit, ouais, bah, comme un peu comme tu dis, Gandalf, du coup, on se rencontre, etc. Tu peux me payer le billet d'avion d'avance, tu t'envoies le virement, puis en fait, voilà, tu comprends la suite, quoi. Bien sûr. Je tiens à préciser qu'il faut absolument que les auditeurs aillent sur YouTube pour regarder Le Sourd et la Prostituée. Voilà, c'est un petit reportage d'un petit quart d'heure. Je vous en dis pas plus, ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est raccord. C'est raccord avec ça, ouais. Ah ouais, complètement. Je tease un peu, en gros, c'est un mec, je sais pas, il a peut-être, on va dire la cinquantaine, qui est pas très beau, qui est sourd. Et il y a une négresse qui essaye de se mettre avec parce que le type, il a une propriété qui est une ancienne pute, apparemment. Et puis, elle va absolument se marier, mariage blanc, tout ça. Ça vaut son pesant de cacahuète. Hein. Le Sourd et la Prostituée. Faites-vous plaisir. Alors, il faut quand même revenir sur un point important. C'est que ça, c'est possible. C'est-à-dire que ces négresses... donc, en fait, lui, il s'est fait hameçonner par une collègue de boulot. C'est-à-dire que c'est une Congolaise qui travaille dans sa boîte de livraison, qui a repéré un peu le tocard et qui s'est dit, tiens, celui-là, il y a moyen de faire quelque chose pour la petite sœur. Tu vois ? Alors, c'est peut-être la petite sœur, c'est peut-être la cousine, on ne sait pas bien. Hein. Donc, voilà, mais je peux peut-être faire... Voilà. Elle a dû en parler, j'ai un type pour toi, etc., un truc, et voilà. Et ensuite, elle l'a mis dans la boucle Facebook Messenger, et là le type, il s'est fait absonner totalement. Elle lui raconte qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, etc. Ah, mais mon amour, ils sont déjà en train de parler de mariage, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça c'est réglé, hein. Elle a dû mettre ça sur la table, allez, au bout d'une grosse semaine, hein, maximum, hein, il faut comprendre. Donc le type qui est déjà alors il est malheureux avec les femmes, alors donc c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait ces négresses peuvent exploiter ça. Parce qu'il y a un tel niveau de misère sexuelle en France que tu as des millions de pigeons potentiels. Tu en as des millions comme ça. Des mecs qui sont des dalleux intégraux. Et avec l'ouverture du marché sexuel mondial, rendu possible par Internet et aussi par l'extraordinaire laxisme des autorités françaises en matière d'immigration, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'expulsion, on rentre dans le pays comme dans une passoire, dès qu'une négresse arrive là, hop, elle commence à faire des demandes, etc., les assistantes sociales se foutent totalement de savoir si c'est légal, pas légal, hop, on donne tout. Donc quand vous couplez ça, les réseaux sociaux, avec le démantèlement des frontières françaises et la misère sexuelle ambiante qui est due à quoi ? Bah, qui est due à cette... À ces Françaises hyper gamme qui ont démantelé en fait l'institution du mariage, qui ont démantelé le projet de vie familiale traditionnelle pour pouvoir se faire sauter de 20 à 35 ans, même de 15 à 35 ans, toute liberté avant de commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'elles vont faire de leur vie une fois en fait qu'elles ne peuvent plus avoir de gosses, en gros. Eh bien, vous avez des tas de mecs comme ça qui sont sur le carreau. C'est-à-dire, c'est des types, comme, parce que c'est ça en fait, hein, la législation aujourd'hui, c'est une législation féministe, vaginocrate, qui est pensée pour permettre à l'hypergamie féminine de s'exprimer totalement. A priori et a posteriori. L'avortement, c'est la conséquence ultime de l'hypergamie. C'est-à-dire, je corrige en cours de route. Là, j'ai mal baisé, j'ai pas baisé avec le bon, hop, voilà, j'élimine le gosse qui résulte de ça. Je vais à la clinique, je me fais avorter, hop, restart the game. Tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo. Hop, elles ont le droit de recommencer la partie. Évidemment, tout ça n'existait pas avant. Donc, face à ça, en fait, et surtout qu'il y a une immigration allogène masculine très forte, qui, comme vous le savez aussi, est plébiscitée par les femmes blanches, hein, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est lié aux questions d'immigration, récemment avec l'Afghanistan encore, mais voilà, enfin, dès qu'il y a des bateaux chargés d'hommes qui débaroulent, regardez les commentaires, vous avez des régiments entiers de femmes blanches sexuellement excitées, est absolument intransigeante sur le droit irrévocable des mâles allogènes à s'installer. Il ne peut pas y avoir de discussion là-dessus. Hein. C'est très clair. Hein. C'est très clair. Donc, dans cet environnement-là, les mâles bêta, c'est-à-dire les hommes faibles qui sont demandeurs, c'est-à-dire qui sont couillons avec les femmes, eh ben, c'est les perdants. Ils sont en bas de la chaîne alimentaire. Ils ne sont pas en position de fixer des conditions. Donc quand ils arrivent à se maquer, c'est précaire. Les nanas voient que les types sont faibles, donc elles en tirent le meilleur parti. Puis ensuite, elles se cassent parce que hypergamie oblige, elles ont trouvé mieux ailleurs, entre guillemets mieux. Et cette volatilité permanente fait qu'au bout d'un moment, les mecs en ont marre. Ils en ont marre. Et ce qui est sûr, par contre, et ça c'est vrai, ça, c'est les statistiques, elles sont claires là-dessus. Aux États-Unis, c'est absolument incontestable. C'est que les négresses, elles, dans cette espèce de marché sexuel global, à domicile, c'est les perdantes absolues. C'est les perdantes absolues. C'est-à-dire que si les nègres les fuient. Quoi, hein. Les nègres les fuient quand ils ont des alternatives, mais même rester au Congo, c'est la misère. Je veux dire. Donc, quand elles arrivent à hameçonner un blanc comme ça, évidemment, en cours de route, elles peuvent décider de changer de partenaire, mais ça sera beaucoup plus rare parce que c'est le ticket vers la stabilité totale. Et il y a une chose aussi, c'est que les négresses, à la différence de beaucoup de femmes blanches, s'intéressent à leurs enfants. Alors, ça, c'est leur truc. C'est-à-dire qu'elles veulent un type qui assure, qui fasse rentrer l'argent pour élever les gamins, quoi, les élever entre guillemets, hein, élever à l'africaine, bien sûr. Mais voilà, donc il n'y a pas ce côté, je baise à droite. Non, elle a quand même un plan par rapport au statut social. Donc elle va pas se débarrasser du bêta qu'elle a trouvé. Elle va se dire au contraire, putain, j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé ce pigeon, je vais pas le lâcher comme ça. Tout dépend de s'il a du patrimoine et aussi s'il ramène du fric. Certes. Parce que ce genre de types qui se font couillonner, hein, ça peut ouais. Parfois être des crèves la dalle, quoi, entre guillemets. Hein. Ah non, mais totalement, voilà. Et là, pour le coup, la nature est féroce. C'est-à-dire qu'ils se font éjecter. Hein. Ah ouais. Non, mais là, il va aller au Congo, mais la négresse, elle va le baiser comme il n'a jamais été baisé de sa vie, le pauvre garçon, quoi. Elle va le baiser dans tous les sens. Ça va être le type, il va aller là. Oh, tu vois, il va bien. Puis, il va plus en sortir. Jésus, attention. Hein, ouais. Ah oui, bah, mariage, l'église, le truc. Avant ça, peut-être elle va le faire poireauter parce que Jésus. Mais c'est encore mieux, ça, comme stratégie. Bah, oui, le mec, il est là, tu vas lui faire le numéro, etc. Ouais. Puis attention, parce que c'est peut-être des négresses Mais à ce niveau-là, je veux dire, au niveau purement de la, au niveau de la, la prédation féminine pour un parti, alors là, elles sont tous sauf idiotes, hein, je veux dire. Tout à fait. En plus, elles sont en général tout le temps fourrées à l'église, ou en tout cas pendant leur jeune âge. Elles savent feindre totalement. Enfin, aller à l'église pour elles, c'est une manière de trouver là-bas la meilleure partie sur place. Et il y a beaucoup de comédie là-dedans. Et quand le couillon de blanc, j'ai envie de dire, va aller là-dedans, ouais. On va lui faire on va lui dérouler tout le script. Ouais. Il est déjà prévu, il est déjà ficelé. Hein, il est ficelé, c'est mort. Hein, c'est, C'est ça, c'est ça. Il va se dire. Mais par contre, moi je pense quand même. Alors bon, il est livreur, donc il n'a pas beaucoup de pognon. Donc ça va dépendre du statut, ça va dépendre du truc. Ça va dépendre beaucoup des papiers, etc. Mais je pense que la stratégie, c'est de le ferrer pour de bon. Et ensuite de dérouler un plan à plus long terme, éventuellement faire venir des cousines, des trucs. À mon avis, c'est juste la sœur qui veut venir faire venir sa sœur. Voilà, c'est ça. Et accessoirement sa famille, parce que ouais, il va se trouver qu'on va faire venir un cousin qui en fait n'est pas le cousin et qui va la baiser, hein, bien entendu. Les juges, les femmes blanches ont fait que le droit de, un être humain en France, il a le droit, c'est un droit inaliénable, d'avoir une famille. Et donc, un nègre a le droit inaliénable de faire venir tous les nègres qu'il veut de sa famille, parce que sinon c'est un crime contre l'humanité. Hein. On sait qui définit le crime contre l'humanité, donc on sait qui blâmer pour ça. Mais c'est l'état de la situation juridique en France en 2021. Oui, il n'y a plus de frontières. Ils ont démantelé les frontières, ils ont créé une jurisprudence qui fait que le moine va-nu-pied a le droit d'importer toute sa tribu, etc. Enfin, c'est absolument clair. C'est le Conseil d'État. Enfin, c'est le Conseil d'État Conseil avec la Ligue des droits de l'homme, oui. Bah, parlons-en. Oui, parlons-en, hein, encore une fois. Oui, on en parle plus tard. Oui, on en parle plus tard. Mais comment dirais-je... Moi, sur ce quoi j'insiste, c'est que c'est mal bêta dans la société. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas, il y a 3 siècles, c'était il y a encore 50 ans, le mal bêta avait sa femme. C'était entendu. Il allait se marier, etc. Ça a commencé à déconner dans les années 70. Bon, en fait, ça remonte un peu plus loin, mais je veux dire, à grande échelle, c'est à partir des années 70. Le divorce à grande échelle, etc. L'hypergamie qui peut se déployer complètement. Donc après mai 68, quoi. Mai 68 et la révolution légale et institutionnelle qui a suivi. Et maintenant, 50 ans d'hypergamie féminine absolument débridée. Et ce qui fait que le mâle bêta, donc vous avez demandé, il y a combien de mâle bêta dans la population? Il y a 80% de mâle bêta, grosso modo, et 20% de mâle alpha. C'est-à-dire qu'il y a 20% des mecs qui attirent l'attention sexuelle de 80% des femmes. La loi de Pareto... Et il y a moyen d'échapper à la... Il y a moyen d'être... On peut être un mâle bêta et devenir un mâle alpha, mais ça demande énormément de travail. Mais le problème, c'est que même les mâles alpha se font larguer aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'hypergamie féminine est totalement débridée. Vous regardez tous les mâles alpha du monde occidental aujourd'hui. C'est-à-dire, prenez quelqu'un comme Bill Gates. On peut pas... Prenez Brad Pitt. Prenez Johnny Depp, le PDG d'Amazon aussi. Bezos, voilà. Bezos. Récemment encore, le boss là de, comment dirais-je, de Tesla, là, j'ai oublié son nom. Elon Musk. Ouais, Musk. Il vient de se séparer avec son espèce de gobelin là. une espèce de chanteuse au physique. Enfin, c'est une 3-10, quoi. C'est une 3-10. Il s'est fait larguer, quoi. Même des mecs, même dans la communauté afro-américaine aux États-Unis, quelqu'un comme Will Smith, face caméra, sa femme explique qu'elle est dans une logique de relation ouverte. C'est-à-dire que sa femme lui a imposé public, l'humiliation publique, dire maintenant, mais moi je vais me faire trombiner ailleurs. Et l'autre, il a dit. Puis, ouais, l'autre, il était là à côté. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, quand on dit mâle alpha, comprenez bien que même les hommes les plus puissants, les plus influents, les types qui ont le plus de réseau, même ces mecs, si vous voulez, qui sont admirés et par des millions de femmes, il y a des millions de femmes qui veulent être avec, même ces mecs se font divorcer, violés lors du divorce financièrement par des caisses qui ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, si vous voulez. Donc oui, il y a bien une dichotomie mal-alpha, mal-bêta, mais aujourd'hui, à cause de l'hypergamie débridée au plan légal et institutionnel, même les mal-alpha se font atrocement violer par ces succubes, d'accord ? Donc dans un environnement comme ça, où vous avez donc déjà des acteurs, des gigamilliardaires, des hommes d'influence extrêmement puissants, des grands PDG qui se font larguer comme ça, imaginez quand vous êtes un smicard. c'est mal barré, c'est franchement mal barré. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Il surgit tout d'un coup une négresse qui lui dit mariage, comment dire, qui raconte tout le truc. Enfin, surtout que les négresses savent faire ça, quoi. Donc les Congolaises catholiques, elles savent dérouler le truc, comme tu l'as très bien expliqué, quoi. Elles expliquent tout le truc. Le type a l'impression de trouver une femme traditionnelle. Alors, elle est africaine, hein, on est d'accord. Hein, mais il dit, ah, une femme traditionnelle qui pense à son mari, c'est-à-dire qui veut faire un truc avec son mari. Mais dans un environnement où les femmes blanches en Occident et en France, où les femmes blanches, en fait, partent du principe qu'elles n'ont rien à donner au mec, c'est-à-dire que donner quelque chose à l'homme pour le plaisir de l'homme, gratuitement, quoi, pour son plaisir, c'est déjà, si tu veux, c'est déjà scandaleux. Je parle même pas d'une relation traditionnelle. Bah, c'est foutu, quoi, je veux dire. Donc, évidemment, ces mecs-là, comment voulez-vous qu'ils ne se fassent pas récolter par des Africaines ? Moi, je sais comment elles procèdent, les Africaines, mais les Africaines qui sont en France, il y en a deux, trois, généralement, ce qu'elles font, hein, je l'ai déjà vu, hein, je le sais, elles vont dans les lieux fréquentés publiquement, elles se mettent à une table, elles repèrent les types, puis quand elles voient un mec un peu isolé, un peu pas trop mal, hop, elles vont lui faire du rentre-dedans, mais du rentre-dedans comme jamais des femmes blanches ne font. Et le type qui est seul, le mâle bêta, quoi, qui est lassé parce qu'il a eu des rencontres avec des gonzesses, mais elles l'ont systématiquement saboté, elles ont couché à droite, à gauche, etc. Tout d'un coup, la femme prend les choses en main pour leur dire « Maintenant, on va faire une relation traditionnelle. » Tu vois, le type, il dit « Putain, c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu vois, j'ai gagné au loto ou quoi ?» Tu vois. C'est le rêve du mal bêta, tu vois. La femme prend les choses en main, mais pour un schéma traditionnel. Le type, il en perd la tête, quoi. Il en perd la tête. Et en plus, comme les négresses sont franchement sauvages au plan sexuel, elles savent lui mettre la carotte sous le nez. Le type, il voit plus rien, quoi. Enfin, avec les hommes faibles, hein, j'entends. Hein. Mais si on n'intègre pas ce contexte de misère sexuelle ambiante, d'hypergamie totalement validée à tous les niveaux et des comportements des Françaises, quoi, je veux dire, de beaucoup de Françaises, c'est au bout d'un moment, les types sont je veux dire, ils se jetteront sur n'importe quoi, hein, vraiment. Hein. Oui, c'est dangereux puisque, bon, là, en l'occurrence, Le cas qui est présenté, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas s'il y a des propriétés, etc., une famille, bon, les livreurs, ok. Mais tout ce qui va être reptation d'héritage, je ne vous raconte pas. Hein. Là, il y a un potentiel énorme puisqu'on a quand même une cinquième colonne hein, de métèques qui sont là. Bon, ils pullulent déjà avec tout ce qui nous est prélevé en impôts. Mais s'ils peuvent encore mieux vivre en venant prendre les biens hein, des Blancs qui restent encore dans ce pays, c'est encore mieux. Hein. C'est-à-dire que le mariage où tu vas finir par crever assez rapidement parce que tu as des biens derrière qui après profitent aux nègres, c'est quand même assez triste. Tout à fait, c'est sûr. Ça va être un héritage, ça va être une sorte de Western Union à grande échelle. Je voulais simplement rajouter un élément pour compléter ce que disait Gandalf par rapport au 80-20, la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, même 80% de la population mâle française avait quand même accès aux femmes, avait une stabilité, et en fait, ça générait des sociétés stables. Ça explique aussi pourquoi, en fait, dans les sociétés musulmanes, il y a beaucoup d'instabilité dans la civilisation, dans tout ce qu'ils essaient de créer d'un point de vue sociétal. Parce que, bien sûr, ils pratiquent la polygamie. La polygamie, finalement, c'est quoi? C'est l'accès à la sexualité récréative pour les hommes qui sont expérimentés, vieux, riches ou les trois à la fois. Et en fait, ça laisse beaucoup de types sur le carreau. Ça génère de la frustration sexuelle pour des hommes jeunes qui n'ont pas de sous. Et c'est aussi pour ça que leurs sociétés sont instables. Et ça explique aussi, alors, en partie, pas tout, là, je fais une petite digression, pourquoi on voit souvent, vous savez, les sites porno, ils aiment bien faire des sortes de revues annuelles des mots-clés les plus tapés par pays, et puis nous, on aime bien rire, parce qu'on voit souvent que dans les sociétés musulmanes, genre très très fermées, très très strictes, on voit des trucs pas possibles avec l'homosexualité, la zoophilie, etc. Bah, les types, en fait, ils n'ont pas accès aux femmes, donc finalement, ils se rabattent sur ce qu'ils peuvent, et à la fin, ils ont une sexualité complètement déviante, et bah, ils prennent ce qui reste, quoi. Donc ça peut être d'autres hommes entre eux qui sont frustrés et qui se font plaisir parce qu'ils ont une déchéance qui leur est imposée, quoi. Il y a ça aussi, ouais, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est un fait, mais on ne voit pas... Enfin, il y a des mariages hein, avec des beurettes, avec des blancs et tout, ça, bien sûr, ça existe indubitablement, mais on voit moins, par exemple, des beurettes du bled démarcher agressivement des blancs. C'est-à-dire que les beurettes du bled... Ça c'est les négresses, ouais, surtout, ouais, effectivement. Ouais. Les beurettes du bled veulent démarcher des Algériens qui ont les papiers français. C'est le rêve, en fait. C'est l'ascension sociale, c'est-à-dire elles trouvent un Algérien établi en France, peu importe la génération, mais qui a des papiers français, et comment dirais-je, on essaye de le rejoindre sur place. Les Turcs, c'est la même chose. Donc c'est très d'ailleurs, c'est à la fois confessionnel et communautaire. Les négresses, elles n'ont pas du tout ces restrictions-là. Hein. Elles couchent très volontiers en dehors de leur race, même si, elles, d'une manière générale, elles sont très attachées à leur mâle, alors que le mâle noir, c'est ça l'aveu, hein. C'est pour ça que tous les nègres là, qui surjouent la virilité nègre, le nationalisme noir, c'est complètement invalidé par le fait que, à grande échelle, les noirs fuient leur race. C'est-à-dire que les hommes noirs, dès qu'ils peuvent, ils attrapent n'importe quoi sauf une négresse. Ce qui montre qu'ils fuient eux-mêmes leur propre race, quoi, pour produire donc des mulâtres. Voilà, hein. Donc le nègre raffole de la blanche, raffole de la beurette. Aux États-Unis, c'est les femmes latinos, les nègres adorent les femmes latinos, voilà, c'est qu'ils fuient leur race, ce qui crée une très grande frustration chez les femmes noires. Sujet assez peu abordé d'ailleurs, mais ça existe. Hein. Mais voilà, alors bon, bah, pour le cas là, on l'a tous vu, moi j'ai déjà vu ça, des types avec des négresses, j'en ai vu au moins dans deux ou trois occasions vraiment des tocards intégraux, c'est-à-dire le type à 55 ans. Il est dégarni, bedonnant. Enfin, le mec, biologiquement, c'est... Bon, il avait quand même un potentiel de quotient à transmettre, mais clairement, au niveau individuel, c'était pas ça. Et le type était avec un boudin africain. Mais il y avait un boudin africain qui voulait bien quand même passer son temps avec. Alors que les femmes françaises sont pas du tout... pas nécessairement plus belles, d'ailleurs, mais veulent pas passer de temps avec ça. Parce qu'elles rêvent de ce que vous pouvez imaginer. Hein. Genre, je lisais des trucs, enfin je lis de la presse féminine, hein, bien sûr. Et cette semaine, là, je me suis fait plaisir à parcourir ça encore avec assiduité vous avez des récits de rombières de 55 ans qui ont des exigences. Vous frottez les yeux. Vous frottez les yeux. C'est typiquement, t'as des nanas de 50 ans, enfin de 50, 55 ans, qui larguent leur mec. Pour être libres et indépendantes. Elles en avaient marre d'avoir un Jules à la baraque, écrasé par les tâches ménagères, tu vois. Bon, en 2021, les tâches ménagères, c'est la machine à laver, le lave-vaisselle. Hein. Bon. Même l'aspirateur, c'est une machine qui le fait maintenant. Ouais, voilà, donc c'est genre, t'as l'impression qu'elle te parle du lavoir au 19e siècle, c'est d'aller à la rivière, laver le linge, tu vois, par moins 3, tu vois. Non, mais bon, elles n'en pouvaient plus, tu vois, voilà, la charge mentale, n'est-ce pas? Et elles décident de se libérer finalement dans un geste de rébellion, tu vois. Et alors, une fois qu'elles sont divorcées, bon, elles ont toujours les tâches parce qu'elles vivent seules. Donc, il faut envoyer la bagnole au garage, tout ça. Bon, alors que le mec le faisait avant, mais bon. Mais alors maintenant, elles sont indépendantes, tu vois. Mais elles veulent un mec pour venir les baiser, tu vois. Et évidemment, à 55 ans, il y a qui va venir les baiser? Parce qu'attention, hein, elles veulent pas un Gus pour venir les baiser. On s'entend. Tu vois? Elles veulent du Gant. Tu vois, elles veulent Hugh Grant, Brad Pitt, tu vois, elles veulent des mecs accomplis, tu vois, voilà, bon, mais qui doit fermer sa gueule quand même. C'est-à-dire que le mec doit avoir ici sur tous les tableaux, ça va être un beau mec, costaud, viril, bien sapé, il a réussi dans la vie, tu vois, socialement, c'est un mâle dominant. Mais quand il va voir Bobonne, 55 ans, hein, tu vois, alors là, c'est un petit garçon, il ferme bien sa gueule, tu vois. Il range bien ses godasses et il saute madame quand elle est d'accord, tu vois. Je veux dire, non, mais attends, c'est fou, quoi. C'est fou, mais c'est ça. Faut lire la presse féminine, quand même. Ouais, je mettrai quand même un petit peu nuance de tout ça, parce que je me souviens avoir vu des choses traumatisantes sur YouTube. Peut-être que je passe trop de temps sur YouTube, hein, c'est possible. Où quelqu'un faisait une expérience sociale avec créer un compte sur Tinder avec une nana qui avait 55 ans, qui était moyenne, etc. Et la nana en question arrivait quand même à trouver des types, on peut venir la baiser bien sûr, hein, c'était pas sérieux, mais des types jeunes et plutôt beaux gosses, quoi. Donc, ouais, mais gaffe à Tinder, parce que je veux dire, c'est pas forcément représentatif. Tinder, t'as un pool de mecs, bon, tu sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que Tinder, c'est pour baiser, hein, c'est... Ouais, voilà, mais est-ce que c'est des gens qui fétichisent ou quoi? Moi, je veux dire, les nanas comme ça qui quittent le truc et tout, faut pas rêver, je veux dire, de 55 ans et tout. Elles vont pas sur Tinder, elles cliquent, voilà, et à partir de là, elles auront une queue en face de chez elles de jeunes mecs virils qui vont venir les sauter toutes les semaines, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ça va pas se passer comme ça. Il y en a, je veux dire, mais c'est pas forcément représentatif. En revanche, des affamés, oui, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, voilà, donc c'est l'histoire d'un mâle bêta en France en 2021 qui se tourne vers des Africaines qui savent en fait lui parler, qui savent lui accorder de l'attention pour un truc, même si c'est totalement bidon et intéressé, on s'entend. Mais elles ont au moins cette intelligence sociale et sexuelle-là. Alors que le gars, là, il a volé de crash en crash, quoi. Il faut voir le comportement des femmes françaises. Je dis pas que les mecs sont irréprochables, c'est pas ce que je dis, attention. Hein. Parce que à côté de ça, t'as les 20% de mâles alpha qui baissent comme des nègres et qui n'ont aucun plan familial aussi, hein, on s'entend. Mais je veux dire, il y a une telle toxicité des relations hommes-femmes en France que moi, il n'y a rien qui m'étonne là-dedans, quoi. Ça ne m'étonne pas. C'est Magali, 130 kilos. Déscolarisé, sans diplôme, sans formation, sans rien, qui veut Brad Pitt, quoi. Ouais. Et petit point aussi sur les négresses qui sont dans une rage pas possible aux États-Unis, par exemple, parce qu'elles trouvent pas de nègres, parce que personne n'en veut. Et ben quand elles arrivent à en trouver un, le type aussi, peut-être qu'il fait un enfant, mais en tout cas, il assume pas. Il assume pas le type, il se barre. Donc elles ont vraiment tout perdu, quoi. Les papas nègres, c'est oxymorique. Hein. Ah ouais, non, totalement. Comment dire? Quelque chose d'autre là-dessus? On passe au sujet suivant. Bon, Anos nous fera peut-être un petit follow-up là-dessus, hein, ça nous tenir peut-être un peu informé sur la conclusion un peu inévitable. Là. Allez, on se tente un petit pari, là. Vous voyez ça comment échec de son plan congolais ou au contraire concrétisation totale, le type comment vous voyez ça? Ah, disons que si, enfin, on va se borner à 6 mois, à l'horizon de 6 mois, 1 an, je pense qu'on peut... On peut pronostiquer le mariage avec une bonne cote. Quoi. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Rubrique numéro 2, chers amis. Le sale juif de la semaine. Alors, cette semaine, le sale juif, c'est Gérald Bronner. Vous ne le connaissez pas, vous n'en avez jamais entendu parler. Vous allez entendre un petit peu parler de lui dans les semaines et dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Pour une raison simple. Emmanuel Macron a décidé de le nommer à la tête d'une commission chargée d'écrire un très gros rapport, hein, qui sera lu par personne probablement, sur la désinformation et le complotisme. Eh oui, c'est un thème à la mode. Le site de l'Élysée nous en parle, hein, il explique un peu sa démarche pour vendre un peu tout ça, hein, dans un communiqué. Alors c'est un condensé évidemment de communication officielle par la force des choses. Alors voici, hein. Nous vivons depuis maintenant un peu plus d'une décennie une révolution qui a envahi nos vies et qui mérite un grand débat dans la société. La révolution des modes d'information et de communication avec Internet. Là où hier il y avait des rendez-vous de l'information, des rites, qui étaient la lecture du journal, le journal télévisé, pour les enfants, les temps de classe, existe aujourd'hui une profusion qui fait que chacun, via son téléphone portable, sa tablette, peut s'informer à portée de poche, à portée de main. Les Français passent en moyenne plus de la moitié de leur temps libre sur les écrans, plus de 2 heures par jour sur Internet, plus de 4 heures pour les 15-24 ans. Internet est un progrès indéniable, l'information n'est plus seulement réservée à une élite, mais elle est accessible à tous, jamais. L'humanité n'a brassé autant de savoir. Mais cette révolution est aussi porteuse d'une face sombre, car l'information ne s'est pas seulement démocratisée, elle a changé de nature. Nos sociétés sont confrontées à une fragmentation du débat, un phénomène de bulle où s'enferment des individus qui ne se parlent plus. Il y a des bulles en France médiatique. Et à une résurgence de discours de haine, à un recul du savoir et de la science dans certaines circonstances. Évidemment, là, les yeux se posent, hein, sur les anti-vax, qui ne comprendraient pas, hein, ce qui se passe. Il est toujours sain en démocratie de prendre un peu de recul sur ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui n'existait pas pour la plupart d'entre nous a envahi nos vies en 10 ou 15 ans. Nous passons plusieurs heures par jour sur cet espace qui est à la fois public et privé, Internet. Ce changement est vertigineux. Il est nécessaire d'essayer de comprendre ce qui s'est transformé dans notre manière de nous informer, d'échanger notre rapport à l'autre, au savoir, à la violence. C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas une génération qui puisse guider l'autre par son expérience. Presque toutes ont été conquises à grande vitesse par ces nouveaux espaces, garants de l'unité de la nation et de la pérennité de nos institutions. Le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité qu'un large débat s'engage sur le sujet des impacts d'Internet sur notre information, notre démocratie et ce qui unit notre société, qui soit de nature à provoquer un sursaut collectif. Il a chargé, ce jour, une quinzaine d'experts, historiens, universitaires, journalistes, acteurs de terrain, autour du sociologue Gérald Bronner, dans une commission nommée, très modestement d'ailleurs, les Lumières à l'ère numérique, pour penser l'espace de débat commun de notre démocratie. D'ici la mi-décembre, la Commission devra dévoiler une série de propositions concrètes dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Voilà, ça se précise un peu quand même. Alors, il y a plusieurs objectifs, hein. Définir un consensus politique qui sera mis à disposition du grand public, voilà, ça c'est une chose. Formuler des propositions dans les champs de l'éducation, de l'approbation, de la régulation et de la judiciarisation des entrepreneurs de haine. Ah là là, ouais. Proposer de nouveaux espaces communs, blabla, de la démocratie, de la citoyenneté, du collectif qui puisse trouver leur place dans le monde numérique, donner du sens à des citoyens isolés, etc. Développer une analyse historique et géopolitique de l'exposition de la France aux menaces internationales. Bref, Alors, maintenant que j'ai déroulé tout ça, les commissaires, messieurs, les commissaires. Alors, nous avons Gerald Bronner, hein, donc, qui est d'origine juive. Hein. Lui, c'est un sociologue. C'est un sociologue, nous dit-on. Alors, entre autres choses, lui, il dit... Alors, l'état profond, il parlait de l'état profond, vous connaissez ça, hein, bien sûr, l'état profond. C'est la stigmatisation du caractère illusoire supposé du monde et du pouvoir en particulier. Alors, c'est incompréhensible, mais ce qui veut dire... Est-ce que lui-même comprend ce qu'il dit? Non, mais, en gros, l'état profond, en fait, c'est un mythe, c'est une fantasmagorie des gens qui comprennent rien et qui pensent qu'il y a des gens qui sont aux commandes et qui décideraient de la marche du monde. Voilà, ça c'est l'état profond, c'est un mythe, en fait. Voilà, mythe, alors moi, je suis antisémite. Antisémite, bon. Écoute, Raphaël Enthoven n'est pas de ton avis. Il n'arrête plus de citer sur son compte Twitter donc le Rabbi Enthoven, le Rabbi Bronner. Il se cite entre eux. Alors il dit là, c'est l'excellent Bronner, dit-il. Hein. Tout en modestie, bien sûr. Alors on comptera aussi parmi les commissaires Roland Kérol. Alors quelqu'un, lui, qui connaît le monde numérique, hein, puisque à l'âge de 80 ans, c'est quelqu'un qui est au fait des nouvelles technologies, les nouvelles générations, c'est son truc. Donc voilà, hein, il va expliquer comment tout ça se passe. Évidemment, c'est un homme de gauche, même très à gauche, hein, pas de souci. Hein. Alors Frédéric Douzet, alors elle, c'est une femme qui est spécialiste des enjeux géopolitiques du cyberespace. Et alors, donc, c'est une docteure de l'Université française, alors qui a, entre autres choses, dirigé un travail d'un doctorant qui s'intitule « Les stratégies territoriales des juifs hassidiques de New York ». Comment les juifs hassidiques s'organisent pour survivre en milieu un petit peu hostile, vous voyez, multiethnique et hostile. Voilà. Alors bon, voilà. Voilà, donc il y a de l'expertise là. Alors il y a Rose-Marie Farinella, donc qui est présentée en fait comme une institutrice, et quand on creuse un petit peu, on découvre que c'est surtout en fait une femme d'origine séfarade, hein, Madame Farinella, donc elle aura beaucoup de choses à dire. Son vrai nom, c'est El Kabash. Ah tiens. Alors on a un vagin, hein, Aude Favre, uniquement là parce qu'il faut un vagin, hein, c'est tout. Alors elle a créé un truc pro-gouvernemental qui s'appelle Fake Off, donc par rapport aux fake news qu'il faut faire disparaître, hein, dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo. Oui, c'est vrai que depuis Charlie Hebdo en fait, où il fallait libérer la liberté d'expression menacée par les gens qui étaient fâchés avec la liberté d'expression, vous connaissez tout ça, hein. La liberté de caricature, etc. Et ben en fait, il faut qu'on ferme tous notre gueule. Aude Favre a son petit statut, elle est invitée. Alors Jean Garrigues, c'est un historien que je ne connais pas, j'ai fouiné un petit peu. Alors il passe sur Radio Classique et voici ce qu'il dit à propos des manifestations anti-pass sanitaire, hein, donc contre la tyrannie. Jean Garrigues, voilà, autant pour moi. Alors Jean Garrigues, il dit ceci à propos des manifestations contre la tyrannie sanitaire, il s'agit d'un antisémitisme d'atmosphère. Que je crois que lui c'est une espèce de philosophe, enfin oui, qu'on voit un petit peu sur les plateaux télé, qui est censé être de droite, je crois. Ah bon, ouais, ah ben c'est pas forcément. Me semble. Hein. Ah ben, en tout cas, mais lui, il veut pas qu'on parle des juifs, en tout cas. Hein. Non, mais ouais, c'est la droite. Si tu veux, c'est la droite qui éteint les lumières. La droite chiotique, quoi. C'est bien puisque la mission, justement, c'est peut-être le vrai sens d'ailleurs de la commission, puisque la commission en question est chargée de s'occuper des lumières. Hein. Donc, les lumières à l'ère numérique, vous avez compris que c'était les lumières qu'il fallait éteindre et allumer durant le Shabbat. Hein. Bon, voilà. Alors, une arabe féministe, c'est important et incontournable en France en 2021, c'est Rahaf Harfouch. Alors, ils n'en ont pas trouvé en France, ils ont été la choper au Canada. Alors, c'est une Syrienne féministe, hein, donc très émancipé, qui coécrit avec des auteurs israéliens. Donc la neutralité est garantie. Hein. Donc évidemment, c'est un peu raccord avec l'histoire là, des travaux de doctorat là, sur les stratégies des hassidiques. Hein. Rachel Kahn, oh, on la connaît, Rachel Kahn. Ah ah, voilà, alors elle se définit donc sur Academ, donc le campus numérique juif, comme être noir et juive. Donc les deux qualités qu'elle met en avant, bien sûr. Hein. Donc c'est un peu le joker communautaire, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les noirs s'énervent, on leur met une métisse sous le nez, on dit « Ah non, faut se taire maintenant, vous pouvez rien faire, voilà. » On a des noirs aussi de notre côté, voilà. Donc alors elle vient de la LICRA, et alors donc, Alors là, elle est de tous les gris-gris, de tous les trucs, les bidules, voilà. Alors le dernier bidule, c'est la commission, bien sûr. Alors c'est une icône de valeur actuelle, hein, Rachel Kahn. Encore vous... la droite, donc. Hein. Oui, la droite dure, oui, tout à fait. Alors Anne Muxel, bon, c'est une bourgeoise, sociologue, bon, inconnue au matin. Rudi Reichstadt, conspiratoire. Oh là là, ça c'est de la neutralité bienveillante. Est-ce que Tristan est là aussi? Bah, par voie de conséquence, il est dans la valise, hein, j'ai envie de dire. Il est dans le wagon de queue. Voilà. Alors bon, on le présente plus, mais faut savoir que Conspiracy Watch, c'est parrainé par Bernard-Henri Lévy. Bon, ça va sans dire, mais ça va, il vaut mieux le rappeler. Membre de la Fondation Jean Jaurès, bon, qui est un bidule où on retrouve, la mère Schwartz, Anne Sinclair. Ouais, elle sévit là-bas aussi. Donc vraiment, on est dans l'entre-soi communautaire établi, le CRIF, etc. Alors, on a aussi un autre juif, Yanis Roder, officiellement historien. Alors non, alors lui, officiellement, c'est un prof, mais il est présenté comme historien spécialiste de la Shoah. Et alors, son passif à lui, en tant que prof dans le 93, c'est qu'il est très très fâché par le fait que les jeunes de banlieue, comme on dit, hein, pudiquement, donc en fait les Arabes et les Noirs, n'aiment pas trop l'État d'Israël. Et alors, il explique que tout son boulot depuis 30 ans consiste à rappeler aux Noirs et aux Arabes qu'Adolf Hitler était raciste, donc il faut haïr les Blancs et pas les Juifs. Voilà donc le boulot de Yanis Roder, qui est très très inquiet donc de la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, voilà, et qui explique hein, que son job en tant qu'instituteur, c'est de parler de Shoah matin, midi et soir dans des classes grand remplacées, voilà. J'espère que il fait aussi partie de la Fondation Jean Jaurès. Reste en famille. On reste en famille. Guy Valencien, connaissez pas, chirurgien, professeur honoraire des universités. Alors, qui s'est fait connaître, en fait, pour avoir couvert le scandale du Mediator, évidemment. Hein, bon, 2000 morts à la clé, quand même. Voilà. Franc-maçon, hein, on le voit intervenir dans des réunions maçonniques, etc. Il a un bec, quand même. Je veux pas voir des juifs partout, hein, mais bon. Est-ce que maman. Bon, je sais pas. Et pour conclure sur par un feu d'artifice, hein, Annette Vivorka, une historienne spécialiste de la Shoah, décidément. Alors on parlait de théorie complotiste, mais justement, moi ce qui m'emmerde, c'est que la version officielle de l'Holocauste, c'est une théorie complotiste, parce qu'on prête Adolf Hitler un complot secret pour avoir voulu assassiner les Juifs dans des chambres à gaz avec de l'insecticide. Bon, alors moi j'ai un problème avec ça, si vous voulez, intellectuellement. C'est pourquoi on chope des gens qui répandent des théories conspirationnistes depuis maintenant 76 ans pour lutter contre le complotisme. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans la mission, il y a aussi, c'est inclus, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Donc il faut lutter contre la désinformation, le complotisme et l'antisémitisme. Voilà. Donc une commission de rabbins se forme pour nous dire que les goïms mentent. Que les goïms mentent et qu'il n'y a pas de conspiration. Les types se mettent à se conspirer entre eux, là, tous. Ils sont tous du même sérail pour lutter contre le complotisme. Bah, en fait, des juifs se rassemblent dans une... Personne ne remarque à ça, si tu veux. Hein, mais, ça paraît ça tout à fait normal à tout le monde, à la bonne société. Les juifs décide de former une commission gouvernementale composée de juifs pour dire que les juifs n'ont aucun rôle dans la société. Voilà, aucun. Rien. Alors, Madame Vivorka, qui donc est une historienne de la Shoah, qui a la dent dure contre Vichy, puisque visiblement, dans la famille, on est passé par le Veldiv. Qui était un haut lieu du cyclisme français, d'ailleurs. C'est malheureux qu'on ait supprimé la salle. Est une militante marxiste radicale qui a commencé chez les maoïstes dans les années 60. Hein. Donc, c'est pour ajouter à la couche. Donc on est vraiment dans le judéo-bolchevisme quand même. Et c'est la sœur de Michel Vivorka. Hein, c'est voilà, une... voilà. Oui, tout à fait. Oui. Et oui. Qui est un sociologue aussi. Hein, pareil, un pont rabbin. Rabbin, effectivement, de la sociologie française. Non, mais sociologue, c'est rabbin laïque, en fait. C'est pour ceux qui n'auraient pas compris, quoi. C'est ça. Monsieur Louis va dire que c'est la judéo-maçonnerie qui, une fois de plus, est devant vous. La fondation Jean Jaurès, des Vivorcas, des historiens de la Shoah. Bon, oui. Oui, des chirurgiens avec des nez, mais des nez, tu vois, qui sont là en train de pontifier dans des réunions de loge. Bah, je veux dire, c'est... Voilà. Bah, enfin, ces gens vont nous informer. C'est dirigé par Monsieur Brodeur. Ils se sont tous réunis pour nous informer que non, ils n'ont pas de. Ouais. N'ont pas de projet particulier pour la société, pour la France et pour les Français. Non. Mais par contre, que les Français mentent. Ah, les Français, race de vipères. Hein, ces bouches menteuses de Français qui n'en peuvent plus de médire des. Enfin, bon, ça fait quand même au moins 1500 ans qu'en France, on martyrise ces pauvres juifs. Hein, que les Français. Ces sales bêtes martyrisent des juifs. Alors bon, voilà. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, été cité en filigrane la désinformation sur Internet. Alors ces gens, en tout cas, ont visiblement du mal à trouver le sommeil. Ça c'est sûr. Ça c'est certain. Alors quant au succès, dans les buts, enfin les succès de la commission, je ne sais pas. Mais alors apparemment. La judiciarisation, hein, donc des entrepreneurs de haine, visiblement, c'est l'objectif. Alors moi, j'avais quand même l'impression que ça judiciarisait déjà pas mal, quand même, je veux dire, au niveau légal, ça depuis 50 ans. Ça judiciarise, ça judaïse beaucoup pour les gens qui veulent parler, effectivement. Donc, apparemment non, apparemment pas. On leur demande des propositions concrètes. Hein. Emmanuel Macron est très clair. Hein. Emmanuel Macron... Oui. Bon. Francis Khalifa a demandé. Hein, bon, le cahier des charges est très clair. Il y a un cahier des charges. Celui qui tient la main a demandé. Quoi, voilà. Bon, il faut des propositions concrètes. Alors, moi, j'attends, je suis curieux. On va se préparer à l'achat dans le domaine, du coup. On arrive un petit peu au bout de la farce. Je crois qu'au bout, au bout du truc, je pense qu'il y a quand même la déportation des goyim, quand même. Je veux dire. Peut-être. Quand on voit ce que. Ils arrivent même plus à foutre des gens en prison. Il y a toutes les peines alternatives du monde pour ne pas que les gens aillent en prison parce qu'il n'y a pas assez de place pour les nègres et les arabes. Ils ont des idées d'Eric, hein, t'en fais pas pour eux. Oui, il y en a une qui ressort de plus en plus, et je l'ai entendu trop souvent pour me dire que c'est juste une coïncidence, c'est le fait de foutre des amendes, vous savez, ils aiment bien prendre le pognon des goyim, hein, de foutre des amendes aux types qui répandraient les fake news, sachant que pour eux, fake news, c'est un sens très très large. Hein. Ah ouais, il faut que ce soit lucratif quand même. Attendez, une taxe sur les mensonges des goyim. Non mais oui, c'est ça. Hein. Mais là pour le coup, là je crains plus ça que la prison, parce qu'effectivement ils nous enverront pas en tôle. Enfin, peut-être pas, peut-être nous oui, mais la plupart des gens non. Et par contre c'est comme le, ouais, ça c'est sur le même principe que tu roules trop vite, tu vois, t'es en moto, ouais. Tu roules trop vite, allez boum, 135 balles. Et comment il s'appelle ce film vite. Avec Stallone là, dès que tu dis un gros mot, tu chopes une amende. Putain, il est connu en plus. C'est pas Judge Dredd. Non. Demolition Man, c'est pas Demolition ça. Demolition Man. Ouais. C'est avec Wesley Snipes. C'est ça. Ouais. Stallone, et oui, il y a une société aseptisée, mais. Aseptisé, oui. Où le juif fait le ménage. Une société aseptisée, non, c'est quand la vermine, tu l'élimines avec des insecticides. Selon la commission anti-complotiste, je ne pense pas qu'ils aient les mêmes préoccupations sanitaires. Non, il ne s'agit pas de désinfecter. Hein. Il s'agit pas de désinfecter. Non. Donc oui, des peines d'amende de quelques centaines d'euros à quelques milliers s'il y a de l'audience. Ça, c'est à prévoir. Hein, ouais, ça, avec les réseaux sociaux, en plus, tout est là. Tout le monde a son QR code. Il a son vaccin ou pas. Son pass. Son moyen de paiement qui sera bientôt lié au pass dans un document, je pense. Numérisé, ouais. tout à de ça, tout lier aux tout réseaux sociaux, comme ils ont fait en Australie. Hein, donc, si vous publiez des trucs qui ne vont pas, le gouvernement peut changer le contenu de vos publications. Voilà, c'est intéressant. Ou le supprimer, d'ailleurs. Donc, attention, hein, faudra pas dire que Simone Veil a été gazée à Auschwitz. Hein, sinon, c'est. Et en plus, c'est ce qu'ils vont faire, c'est quand tu auras une amende, il y aura une part de l'amende qui sera reversée au mémorial de l'Holocauste. C'est garanti, ça. Oui, mais ça, Une c'est sûr, part. bien sûr. Ah, mais Les ça, c'est parties sûr. civiles. Les Non, mais trois même pas quarts, les. ouais. Non, mais c'est carrément. Non, mais je veux dire, voilà, Ah, ça va être pour. automatisé, oui. Oui, mais carrément. Non, mais carrément. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le pognon ira en ligne directe. Tu vois, de toute façon, là, enfin, le gouvernement français qui est si près de ses sous, hein, je veux Là, dire. la commission va nous préparer un truc. Je pense qu'ils vont nous préparer un plan bien ficelé Ah, oui. aux petits oignons ou l'argent des goïms, De toute des façon, menteurs, l'argent des menteurs goïms, va faire le café. à la clé de la commission, de toute façon, ça va se convertir tout simplement par un transfert, comment dirais-je, de liquidité, de capital, de la poche des goïms dans la poche des juifs. Ça va se terminer comme ça, ce Oui, serait ça. oui, oui. On reste C'est dans un Western petit. Union, hein. Mais dans Oui, l'autre côté. on reste en Western Union, effectivement. Oui, c'est quand les Enfin. Juifs se réunissent en général, c'est pour cet objectif-là, quoi. Oui, voilà. Donc, moi j'ai hâte de voir ça, ça va être très intéressant. Voilà, donc, bon, bah, les Français sont bien gouvernés, moi je trouve, c'est tout ça et. Non, mais les Français, on a vu, ils sont à la merci des négresses prédatrices du Ouais, Congo. ouais, ouais, ouais. Pour les dépouiller, puis bon, Qui, si, pour le alors coup, si, se défendrait peut-être un peu mieux face aux Juifs, d'ailleurs, hein, je oui, veux dire. mais tu remarqueras que bon, alors s'il est un petit peu raciste, ben du coup, il va avoir l'autre ami, l'autre compatriote qui va venir lui aussi lui tirer son fric. Mais tout le monde veut lui tirer du fric en fait, hein. C'est ça Oui, c'est grosso modo, c'est ça, le français. Mais alors, c'est pas ça, c'est que le français aime bien, il aime bien son état social, ses conneries. Donc, quelque part, le français, ben c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Moi, Il se rebelle pas, hein. Vous savez, les Eh nouveaux, non, franchement. puisqu'on parle de raquettes, hein, parce que c'est du raquette, hein, ce dont on est en train de parler. Hein. Vous savez, les nouveaux radars 30 km/h qui ont été mis, qui ont été installés à Paris là, par Anne Hidalgo. Donc, il y en a pas mal. Hein. Et les radars, en moyenne, ils flashent toutes les minutes. Toutes les minutes, le truc, il flash. Et moi, je me pose une question, mais pourquoi ces trucs, ils sont pas encore démolis, tu vois? Vous savez qu'en Corse, pendant un certain temps, je crois que c'est plus le cas actuellement, mais ils avaient fait un calcul, et en gros, ils s'interdisaient de remplacer les radars, parce que ça leur coûtait plus cher, parce que les trucs, ils étaient systématiquement défoncés par les riverains. Bon, bah écoutez, à Paris, ils ont une vision différente des choses. C'est comme ça. Mais ça, c'est vrai, hein, parce que c'est un petit peu ce principe-là de ne pas laisser faire l'État et puis que ça lui coûte que ton action fasse en sorte que ça lui coûte plus cher de te faire chier que le contraire. C'est un petit peu ce qu'ont eu à subir les Américains en Afghanistan. C'est-à-dire les Talibans, ils n'étaient pas décidés à ce qu'on les. À ce qu'on leur impose de vivre comme ils ne voulaient pas. Donc, ils détruisaient tout. Et puis, les mecs, bon, qui tiennent des comptes aux États-Unis, se sont aperçus que ça coûtait un peu plus cher de vouloir faire la démocratie, etc., que d'en avoir rien à foutre, quoi, finalement. Ça marche aussi avec les Arabes en France, d'ailleurs, hein, ce truc-là. Je veux dire, Oui! ils pètent tout et jusqu'à ce que les autorités lâchent, en fait. C'est Oui, bizarre, ça. cher Pierrot, quand tu disais radar dans Paris, j'entendais rabbin, moi, sans rire en plus. Je disais, Ouais. mais il y a des rabbins sur le bord de la route qui flashaient. Ça m'a rappelé les manifestations anti-Covid où tu as des Ah oui. rabbins à Strasbourg et à Paris, tu sais, qui étaient là en train de regarder, prendre des photos, tu vois. Et ça va être ça. C'est-à-dire, tu prends les photos des mecs, oh, il n'a pas la bonne pancarte, plainte. Amende, quoi, tu vois, je veux dire, c'est. Puis c'était fait directement, là, t'avais le. Enfin, je veux dire, les mecs avaient les chapeaux, les caftans, les barres, enfin, je veux dire, c'était quand même Non, mais impressionnant, il prépare Hanouka, quoi. hein, Enfin, il faut qu'ils amassent un petit peu, quoi. Les c'est. Heureux pauvres. comme un juif en France, hein. Ah ouais, totalement. Et là, il y a une grande offensive, là, depuis quelques années, c'est Tu les. prends des photos, tu gagnes des sous, putain, c'est pas beau, ça. Totalement. Mais ils marquent leur territoire maintenant avec des chandeliers de Hanouka, maintenant. Ah oui, Pour moi, c'est quelque c'est pour la chose. laïcité, Gandalf. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est C'est vrai, c'est un très beau monument là. Non, compliqué, mais laïcité. vraiment, maintenant, c'est une offensive. C'est-à-dire que les Youpins, ils veulent vraiment signifier à la masse des goïms qui contrôle tout, tu vois. Ils te mettent avec des énormes menorahs. Ah ouais, des trucs énormes. Ouais, ouais. Et puis la menorah, c'est laid, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est, enfin, c'est, moi, t'as un mouvement de répulsion quand tu vois ça, quoi. Et je peux pas exactement tout dire ce que j'ai sur le cœur là-dessus, mais comment dire, il marque le territoire, hein, je veux dire. Mais moi, j'en suis arrivé à la conclusion que la France aujourd'hui est dans un état de sujétion où la Palestine s'honore d'être un pays libre par comparaison. C'est-à-dire que les Arabes, ils sont peut-être dans leur camp de concentration, mais dans leur camp de concentration à ciel ouvert, ils ont quand même le droit d'être antisémites. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont même le droit de déployer des drapeaux nazis, par exemple. Voilà. Oui, cette semaine. Tiens. Non, mais ils ont le droit d'être antisémites quand même autour des, dans les, au milieu des barbelés. Alors qu'en France, tu peux, ils se sont fait tellement oblitérer la gueule qu'on est en train de discussion de la, on est en train de discuter de la future commission qui va te mettre ta taxe à mensonge à Goïm à chaque fois que tu vas dire un mot de travers qui plaira pas au Rabbi Enthoven, au Rabbi Bronner, au Rabbi Bivorka, au, enfin, au Rabbi Toubiana. Au Rabbi, Toubiana, bah, mais... non, lui, il est refroidi, lui, cet enculé. Oui, oui, bah, quitte à en parler, parce qu'il faut quand même un petit peu parler des bonnes nouvelles. Ah oui. Cette espèce d'ordure. De Michel Toubiana, qui est à la tête de la Ligue des droits de l'homme pendant des années, qui a persécuté des Français sur la terre de leurs ancêtres, a finalement crevé comme le chien méprisable qu'il était, de longues maladies, et je m'en félicite. Il a beaucoup souffert. Hein, il a beaucoup souffert. Enfin, ah, enfin. Il a beaucoup souffert. Hein, enfin, enfin. Vous arrêtez de dire qu'il dit ça. On a beaucoup souffert. Bah ouais. Bah là, il a vraiment beaucoup souffert, c'est bien. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon, parce qu'il en a fait chier, hein, enfin, il a persécuté quand même. Les plus jeunes ne connaissent pas, je pense. Hein. Non, ça fait une dizaine d'années qu'on n'entend plus trop parler de ce fils de pute. Ouais, mais il a quand même participé au procès Clément Méric. Oui, voilà. oui, aussi. Donc là, les plus jeunes, ils situent. Donc, il représentait évidemment l'extrême gauche. Alors lui, c'était l'extrême gauche juive, encore un militant judéo-bolchevique. Voilà, et alors célébré par toute la gauche aujourd'hui, hein. Les Verts, etc. Enfin, cette espèce de fond de cuve, de chiottes, cette putain de séfarade de merde, a finalement passé l'arme à gauche. Alors maintenant, il est dans une énorme marmite d'excréments bouillants pour l'éternité, avec son chapeau pointu, je m'en félicite. Que damné soit son âme. Raclure de chiottes. Oui, mais c'était une horreur. Donc, c'est président de la Ligue des droits de l'homme. Alors au physique comme au moral, hein, parce que physique. Oui, voilà. Oh, mais cette tête de porc juif. Oh, le cochon de juif. Hein, cochon de juif. Cochon de juif. Kiff. Donc il était resté, hein, je crois, après sa présidence, il était président d'honneur. Donc c'était un petit peu la figure tutélaire de la Ligue des droits de l'homme, qui est ce truc. Alors qui est un truc absolument horrible, qui est dans tous les coups fourrés judiciaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans les tous les soutiens aux migrants clandestins. Enfin, oui. C'est. Et puis ils sont là. Pire, hein. Et ils sont là avec le CRIF, la LICRA. Ouais, non. Etc. Pour venir ramasser de l'argent, de l'oseille. Quand justement tu as quelqu'un qui dit des trucs et qui devrait pas, hein, qui n'a pas le droit de dire. Oui, il dit des trucs sur Internet. Donc ils viennent manger, hein, ils viennent à la gamelle. Ce sont des gamelards, comme tous les autres. La Ligue des droits de l'homme, c'est assez pernicieux parce que c'est vraiment le truc c'est les maçons, quoi. Hein, là, pour le coup, c'est la judéo-maçonnerie avec Toubiana. Totalement. Monsieur Le Pen va dire que c'est la judéo-maçonnerie qui, une fois de plus, est devant vous. Voilà, encore une fois. Non, mais on s'en lasse pas. On n'est pas la judéo-maçonnerie aujourd'hui. Mais non, mais l'épisode que tu cites, en fait, c'était un sketch en soi-même. Puisque j'explique vite fait le contexte. Vas-y, explique. T'as France 3 qui fait « Attention, vous vous rendez compte, Jean-Marie Le Pen, la veille, il a dit je sais pas trop quoi sur les Youpins, bon bref. » Et donc, le lendemain, t'as toute la juiverie qui gueule sur tous les plateaux télé. Et puis t'as Jean-Pierre Bloch, donc le patron qui était de la LICA, c'était pas encore la LICRA, et qui était sur un plateau télé avec le grand maître du Grand Orient de France, qui était en train de se plaindre pour dire « Attendez, on n'a pas autant de pouvoir. » Non, c'est même pas ça. Enfin, t'as raison, mais il y avait le grand maître du Grand Orient, à côté de lui, il y avait le juif Bloch, et ils vont encore vous dire que c'est un coup des francs-maçons et des juifs. Et tu sais, t'avais le franc-maçon et le juif qui étaient à la télé, je veux dire. Mais c'est un sketch. Mais c'est un sketch. Oui, t'as le, en gros, le grand rabbin, quoi. Hein, parce que le président de la DICA, c'est le grand rabbin. Hein. Ouais, tout à fait. Et le grand Torian. Donc, effectivement, plus judéo-maçonnerie que ça, tu meurs. Quoi. Bah, il te dit, non, mais ce que mais tu non, vois, c'est non. pas sous les yeux. Ce non, que non. tu vois, ce qui est sous tes yeux, ce qu'on est en train de te dire. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Pas ça. Va voir, regarde, on est tous pareils. On est tous, tout le monde est le pareil. Les juifs, pas pareil, mais bon. Pareil quand même. Hein, ouais, voilà. Bon. Same, but different, comme on dit en anglais, tu vois. tu vois. Ouais, mais comment dire, le coup de la commission en question, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pareil. Non, mais il n'y a pas de complot juif. Il n'y a pas de complot. Regardez-nous, voilà, vous avez l'impression de voir des juifs quelque part. Je veux dire, t'as que des juifs. T'es en train d'y aller autour de la table. Oh, mais je veux dire, c'est bon. Mais en plus, le Gérald Bronner, là, je regarde sa gueule de youtre. Tu sais, le type, il te regarde avec des yeux, mais tu sais, genre, il croit ces trucs. Et t'as des... Moi, j'ai remarqué un truc avec les juifs. Il y en a un comme ça qui m'a frappé encore cette semaine, mais je l'ai plus en tête. Mais le truc avec les juifs, c'est les seuls où les types, quand tu les regardes, ils te mentent sans parler. Il y a aucune autre race qui fait ça. Tu regardes leur gueule, ils te mentent et ils te parlent pas. Ils ont tellement intégré le mensonge, si tu veux, ça c'est carrément imprimé sur leur gueule. Ça s'est imprimé sur leur gueule. J'ai vu Gabriel Attal tout à l'heure. Oui, voilà, c'est à lui que je pensais. C'est à lui que je pensais, c'est ça. Et effectivement, c'est ça, quoi. Il parle pas, il ment. Il parle pas, il ment. Ses yeux, c'est tout. Lui, c'est le juif parfait. Hein. C'est le... Ah ouais. Alors, quand on lui a demandé, mais vous êtes d'origine juive, il a dit non, ma mère est orthodoxe. Non mais. Ah, ce peuple. Putain, puisqu'on est sur les juifs menteurs un petit peu, et qui te mentent comme ça. Badinter aussi quand même. Ah oui. J'ai lu l'article que tu m'as fait. Bah, c'est surtout le titre quoi quand même. Oui, notre peuple. Oui. dis le titre. C'était dans Le Point ou L'Express, je sais plus. C'était dans Le Point. C'était dans Le Point. Où... Oui, parce que là, il y a un moment sur la peine de mort. Je sais pas quoi, ils font leur fête là sur l'abolition de la peine de mort, machin quoi. Et donc, il disait quoi, Badinter, parce qu'on l'interviewait. Ben, Badinter disait notre peuple n'est pas vraiment bienveillant. Oui, de qui parle-t-on? Je lui dis, mais tiens, tiens, quand même, il se réveille. Peut-être, il va te claquer, et peut-être un semblant d'honnêteté. Et je me suis aperçu qu'il parlait des Français. Quelle surprise! Bah, projection, hein. Projection. Ah, hein. Ouais, les juifs projettent en permanence. Parce puis lui, c'est avec, lui, il a vraiment une tête, alors, quand tu le, pour le coup. Ah ouais. Oh là. Il a comme le Attal. Hein, il a des problèmes de transit, ça se voit sur sa gueule, hein, je veux dire. Ah, bah, il n'est pas impossible qu'il se chie dessus. Non, au contraire, il fait de la rétention anale, ça se voit sur sa gueule. Quoi. Il est... Tu vois. Ah, du coup, j'avais fait pousser un nez, pas possible, hein, ça se tient. Non, mais tu vois, il tirait. Tu vois, voilà. Alors, quand il va canner, ça va encore. Tu vois, alors lui, il va aller tout de suite au Panthéon, lui. Il va même pas faire un arrêt par la morgue, hein. Ils vont tout de suite l'envoyer là-bas, hein. Je veux dire, Macron va se précipiter là-bas, parce que je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps, hein, le machin, là. Avec la magie noire de Séramin, on ne sait jamais. Voilà, je te rappelle aussi que George Kellman est toujours vivant, hein, donc ouais, c'est de temps en temps je regarde. Les vieux loupins, je les ai à l'œil. Oh, Maître Kishman, hein. Eh oui. Oh oui, le nez de Maître Kishman, l'œil froid. Oui. Un juif, c'est un traître en plus qui vient d'Alsace. Ah, les juifs. C'est ça. Non, mais, le séducteur, Georges Kellman. Bon, bref. Voilà, brièvement. Hein. Bah, puisqu'on est un peu dans la rubrique nécrologique, après avoir quitté la rubrique négrologique, le bienfaiteur du peuple, Bernard Tapie, nous a quittés. Donc c'était un homme de bien, hein. C'était un, comme vous le savez, un socialiste, un militant socialiste. C'était aussi quelqu'un qui avait réussi beaucoup dans le monde des affaires. Alors j'ai remarqué aujourd'hui, j'ai brièvement parcouru, alors c'est unanime, hein, le Premier ministre, tout, Monsieur Bérou aussi a salué l'homme, l'âme d'un homme intègre qui a su servir le peuple français, etc. Donc il y a vraiment une unanimité. Bon, après, en général, quand tu meurs, on évite. Enfin, bon, c'est... Ah, bah, tu m'en reparleras quand Jean-Marie Le Pen sera mort, hein, je veux dire. Oui, c'est pas faux. Oui, tu crois que tu auras comme ça, tu crois que tu auras un Premier ministre qui dira « Oui, Jean-Marie Le Pen, tout compte fait. » Moi pas, écoute, tu vois, je crois pas, non. Je sais pas, on verra. Ouais. Peut-être que si Eric Zemmour est président de la République... Non, mais enfin, non. Bon, sur Bernard Tapie, quand même, il a passé l'arme à... Putain, il s'est accroché, quand même. Ouais, bah, il avait eu le petit truc rigolo en début d'année, là, avec ses cambrioleurs. Ah ouais même, Oula, ah, ça, oui. Ça, c'était un sérieux avertissement. Hein. Bah non, mais il était déjà mourant, de toute manière. Non, mais pour après. Ah, oui. Ah bah oui. Lui aussi, il aura pas le petit chapeau, mais il sera dans la marmite. Ah, il sera dans la marmite, hein. Il sera dans la marmite. Ah oui. Bah avec Toubiana, d'ailleurs. Hein, bah, ils sont dans le même wagon, quoi. Ouais, voilà. On leur dit la même fournée. Le Führer va leur donner une cuillère pour qu'ils puissent déguster en même temps. Hein, quand même. Ah, pour le coup, on peut dire que Jean-Marie Le Pen a gagné son débat contre Tapie. Par KO. Clairement, le combat de boxe a eu lieu, ouais. Avec Paul Amar, hein, qui avait organisé ce numéro de cirque, hein, qui lui-même est d'origine. Paul Amar qui vit en Israël maintenant. Ah, bah, comme tout Français qui prend sa retraite, moi je ne comprends pas le problème. Oui, il est sur I24, mais localement. Sur I24. Oui, c'est la télévision régionale, on est d'accord. La télévision régionale. Tout à fait. Mais qui contrôle la meute médiatique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu parles. Non, mais bon, Tapie, voilà, enfin l'affairiste. Intégrale, bombardée, donc l'ami des bougnoules, hein, parce que bon, voilà, bombardé par Mitterrand, ministre socialiste, que les socialistes n'ont jamais digéré et qui lui ont fait payer par la suite, ce qu'ils n'ont jamais dit, parce que quand Sarkozy a essayé de lui faire. Parce que Sarkozy a quand même essayé de truander un bon demi-milliard d'euros au peuple français. Je veux dire, mais enfin, tout ça, c'est pas soumis les gens, ils voient rien. Ils sont tous éplorés, les Français. Ils pleurent sur la mémoire de Bernard Tapie. Ah oui, les a oui. Volés, mais en public, c'est... Non, mais franchement, moi, si j'étais l'avocat des Juifs, et ils vont avoir besoin d'un excellent avocat dans les années qui viennent, hein, vraiment, et je les invite hein, à me contacter, la seule défense possible, c'est de dire, avec des abrutis pareils, franchement, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Voilà. Ils vont dire ça, ils diraient ça comme ça, et c'est la meilleure défense, c'est de dire, écoutez, franchement, il nous suppliait de les voler. De leur faire venir des nègres voilà. En wagon entier. On n'arrêtait pas, on leur faisait plus. Et on se disait entre nous, hein, bon, les samedis, ils vont arrêter, ils vont nous demander que ça cesse. Non, ils en demandaient encore plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au bout d'un moment, nous, on a fait de l'humanitaire. On a répondu à la demande, on était obligé de répondre, on avait des gens désespérés face à nous, on a répondu à la demande. Voilà. Et le peuple français, submergé après 50 ans d'immigration de masse, truandé par d'une législation répressive, on l'a interdit de dire de tout, les juifs plus triomphants que jamais, les pires escrocs portés au nu, encore. Alors, écoute, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Mais moi je les vois, hein, les Français, là, ils pleurent sur la mémoire de Bernard Tapie. Qui a traité de salaud les électeurs du Front National. Ça fait quand même 3% en 2017. Bon. Je sais pas. Un homme de gauche hein, qui... Un homme de gauche. Qui roulait en Porsche, qui portait des Rolex, mais... Un homme de gauche. De gauche. Comme quoi la gauche est très hypocrite, parce que, surtout même les électeurs de gauche moyen, parce qu'ils n'ont jamais reproché à Tapie de rouler en Porsche, d'être un affairiste fini, enfin, je veux dire. C'est d'où sa popularité de merde. Hein. Un énorme démago piquant dans la caisse, menant grand train, enchaînant les putes, mentant comme pas permis, des manières. Enfin, je veux dire, le mec parle comme un putain de. Enfin, tu. Enfin. Pff. Bref, enfin, je veux dire, pour un ministre, un homme, voilà, le mec, il est là, il tape dans le dos alors que c'est pourtant filé et tout, machin. Et en fait, ils lui ont jamais reproché ça, en fait. Ils trouvent que ça c'était être un vrai homme du peuple. Tu vois? Tapie, il était populaire à gauche, hein, je veux dire. Ben, il regardait encore là maintenant. Hein. Ben, il est populaire auprès des Français. C'est-à-dire, c'est ça. Voilà. À droite, à gauche, c'est. Bah on a les stars qu'on peut, hein, voilà. Moi je préfère voilà, Adolf Hitler. Ouais. Hein, je veux dire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie d'une des ce type-là. En plus là tous les mecs à Marseille, là, l'OM et compagnie. Bon. On va attendre de parler pendant des mois encore. Ben, bref. Bah lui il va être sanctifié à Marseille, je pense quoi. Oui. Ce sera un saint local, on pourra prier pour guérir les problèmes de santé quoi. Santo subito. Non mais le mec il se fait claquer la gueule par des bougnoules. Et puis non mais je vous ai toujours défendu les gars. Allez. Ouais quand il s'est fait cogner, quand il s'est fait tabasser chez lui avec sa bourgeoise pour que les je sais plus si c'est des bougnoules ou des nègres pour qu'ils arrêtent de le tabasser. Il dit mais je vous ai toujours défendu. Il dit non, ce temps-là il est fini. Les Arabes lui ont répondu comme ça. Ce temps-là il est fini. Paf, ils lui ont remis une rouste. Ouais. Alors que ce mec-là, vous vous rendez pas compte, le numéro de cirque qu'il a fait contre le Front National, avec le Berkoff qui s'est 20 ans, Berkoff, juif libanais, a vu la Vierge. Maintenant, il s'est converti au nationalisme. Extraordinaire. Bah, c'était le pote à tapis pendant qu'il faisait son numéro contre le Front National à Marseille. Hein. Faut s'en rappeler de ça. Hein. Ah, c'est juif. Ah ouais, non, mais attends, tu crois quoi? Les mecs, ils ont tous vu. Tu sais, ils se disent, maintenant, ils ont. Ouais, il y a trop d'Arabes, maintenant, ils veulent tous leur faire la peau. Maintenant, ils changent d'avis. Ah bah ouais, bon, écoute. Ça nous rappelle des choses, hein. Conférer l'Algérie française, quoi. Et bien sûr, c'est clair qu'une fois que la juiverie aura quitté la France sous l'effet de l'immigration, pour aller aux États-Unis, ils se reconvertiront comme un seul homme à l'immigration maximale. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ces mecs-là resteront des ordures jusqu'à la fin des temps. Enfin, tant qu'ils fouleront cette terre, hein, en tout cas. Voilà, bref. Ah bon, c'est quand même de bonnes nouvelles. Alors, Toubiana, Tapie, franchement, on peut pas dire que la semaine a été si mauvaise que ça. Hein. C'est ma conclusion. Oh, champagne, hein. Moi j'ai débouché champagne. Champagne. Ah, pas champagne, mais moi j'ai sorti quand même les petits trucs. Hein. J'ai sorti les petits trucs. Alors là les gars, je fais une petite pause, je vais me prendre des glaçons parce que mon truc. Ah voilà. Et bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des chevaliers Goy en quête d'érudition contre la bête juive. Oui. Prenez place et mettez-vous à l'aise, camarades. Je m'en vais vous témoigner l'horreur que profèrent les juifs dans l'ombre de nos propres sociétés. Ah, qui c'est qui me fait chier à cette heure-ci? Oui, madame? On est là encore, alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ouais, ça se pourrait, ouais. Bah dites-le plutôt clairement, oulala, c'est un scandale. Oulala, madame, ouh, tu casses les couilles. Ne bouge surtout pas d'ici, je vais vous faire un petit tour de magie, attention. Bien, petit problème de courant d'air, hein. Excusez-moi. Nous allons reprendre, bien. Alors, je fais péter le grimoire, hop. Alors, abracadabra sale juif, abracadabra sale juif. Les pages de ce grimoire sont quand même très lourdes à tourner à force, hein. C'est chargé en haine juive, goïmophobe. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah tiens, regardez, André Néer, rabbin honorifique, attention, hein, écrivain et philosophe, c'est original, français et israélien. Alors écoutez-moi un peu ce discours radieux et positif. Il s'agit de propos tenus lors d'un colloque à l'Institut de sociologie contemporaine de Bruxelles. Accrochez-vous, j'ouvre les guillemets. Une chose que le judaïsme possède et que ne possèdent pas les autres spiritualités, c'est l'innocence. Nous sommes innocents et nous ressentons d'autant plus profondément que nous sommes innocents que nous avons été accusés. Nous avons été accusés entre 1933 et 1945 et nous le sommes encore souvent à l'heure actuelle d'être les ennemis du monde, du genre humain, d'être des exploiteurs, d'être ceux qui ont désagrégé les civilisations européennes, etc., etc. Or, nous savons que nous sommes innocents, et cette innocence qui est de nature spirituelle, qui nous est inspirée par toute notre tradition religieuse, a ses sources dans la tradition de la Torah, de la mystique juive, du Talmud et de la Bible. C'est de cette innocence dont il faut prendre conscience à l'heure actuelle, et qu'il ne faut jamais renier, jamais, dans aucune circonstance. Oui, le christianisme est coupable. Toute l'histoire du Moyen-Âge et tout ce qui a conduit au XXe siècle à Auschwitz, à Hiroshima, est dû en grande partie, non pas certes au message chrétien, mais à l'interprétation que les chrétiens et des églises chrétiennes ont donnée à ce message. Le judaïsme, lui, est en dehors de cette responsabilité en Europe. C'est à la mesure seulement d'un engagement d'innocence que le judaïsme pourra entamer le dialogue avec le tiers-monde. Ce monde des peuples noirs, des peuples de couleur, qui lui non plus n'était pas complice des crimes que l'Europe a accomplis, et qui lui trouvera dans le message juif un message fraternel, un message dans lequel le tiers-monde se reconnaîtra, et se reconnaîtra à la lueur de cette innocence, qui est le partage de ces peuples, et du peuple juif. Peuple juif. Fermez les guillemets. Alors voici un discours auquel j'aurais voulu assister, car l'écrit c'est sympa, mais voir le juif prononcer ce speech avec aplomb face à un public conquis, ça doit être dégueulasse. Goy, écoute-moi bien. Même si dans ton entourage il y a des juifs que tu trouves sympas, ne l'oublie jamais, dans ton dos, les juifs boivent du sang, boivent beaucoup de sang. Très probablement le tien, ne l'oublie jamais. Et si tu lui demandes, il ne se contentera pas de te répondre non, mais préférera t'inventer toute une histoire pour s'innocenter et te voir gober comme un con son mensonge, et peut-être même te faire culpabiliser de tout et n'importe quoi dans la foulée. Sache que le Youtron ne se fixe aucune limite contre tout ce qui n'est pas lui-même, car il n'aime que lui. Même après 3000 ans, le blanc n'arrive toujours pas à conceptualiser complètement la démarche juive, ni à sonder la profondeur de l'enfer d'où ont pu réchapper ces individus. Même l'avatar des dieux, Adolf Hitler, avec toute la volonté du monde, s'est fait balayer en emportant avec lui l'âme et la vigueur des peuples blancs. Goy, réveille-toi, car mes formules magiques d'enchanteur, à elles seules, n'y pourront pas grand-chose. La suite au prochain épisode, mes petits. C'était Merlin, et mon honneur s'appelle Sobriété. Donc rubrique numéro 3, la salle gauchiste de la semaine, et cette semaine c'est Marine Le Pen. Alors il y a une compétition à droite, hein, vous avez compris, pour le leadership, il y a des sondages qui sortent, et donc il y a beaucoup de tensions, et sous la pression d'Éric Zemmour qui fait clairement une campagne à droite toute, chassant sans aucune espèce de retenue sur l'électorat historique du Front National, là j'utilise bien le mot Front National et pas le mot Rassemblement National, hein, le Front National de Jean-Marie Le Pen, eh bien Marine Le Pen a décidé d'adopter une stratégie très brillante, très intelligente, et en fait plutôt que de vous la donner comme ça, eh bien je vais simplement lire ses déclarations qui reflètent cette stratégie. Alors c'est cité par Le Figaro, c'est pas vieux, ça cette semaine, hein, c'était même il y a un jour à peu près. Alors, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, n'exclut pas de recourir à l'immigration pour combler un manque de main-d'œuvre urgent dans des secteurs clés, comme le subit actuellement le Royaume-Uni, a-t-elle indiqué mercredi 29 septembre près de Bordeaux. Je ne suis pas idéologue, dit-elle. Donc, si demain mon pays, la France, avait besoin de faire appel à l'immigration, soit, a-t-elle répondu mercredi en conférence de presse à Mérignac, après avoir été interrogé sur ses choix si, une fois élu président de la République, la France était confrontée à un manque de main-d'œuvre similaire à celui que connaît actuellement le Royaume-Uni. Voilà, Marine Le Pen, nous sommes rassurés, n'est pas idéologue, elle n'a pas de principe en fait. Et donc, si demain le patronat demande des immigrés, ben elle dit soit, ok, banco, je suis d'accord. Donc, au même moment, on a un Éric Zemmour qui dit, moi, je ne change pas d'avis, j'ai encore vu une vidéo là-dessus. Il y a ceux qui changent d'avis comme de chemise, et dit, et moi, je préfère me répéter, mais rester sur mes positions, quitte à radoter. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Marine Le Pen, premièrement, de la stratégie de Marine Le Pen, évidemment, dans le même mouvement, et plus globalement, de cette situation donc entre les deux compétiteurs à droite, puisqu'on est maintenant, alors c'est les sondages, moi je j'accorde pas nécessairement un grand crédit aux sondages, mais enfin bon, en tout cas, ils sont utilisés par la presse et appellent des commentaires des uns et des autres, donc il faut quand même les relever. Zemmour est à 15% dans les derniers sondages, est-ce que ça va durer ou pas, j'en ai aucune idée, et Marine Le Pen est à 16%, on ne peut pas ne pas, évidemment, faire un lien de cause à effet. Hein. Il y a des vases communicants entre le tassement radical de Marine Le Pen dans les derniers sondages et l'augmentation prêtée, en tout cas, à Éric Zemmour. Hein. Il y a clairement un phénomène de croisement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne suis pas idéologue moi non plus. Donc, je suis aussi favorable à l'immigration, notamment à l'immigration d'1 million de Danoises, comme j'ai déjà expliqué dans l'émission. Et puis peut-être qu'on pourrait aussi renvoyer d'autres gens qui viennent, je sais pas, des dom-toms, etc. Voilà, donc une sorte de refactorisation de l'immigration. Et tout ça pour dire que Marine Le Pen, en fait, elle parle d'immigration, mais je sais pas trop si elle comprend le sujet. Mais le Royaume-Uni subit une crise, en fait, de chauffeurs polonais, d'accord ? C'est ça le fond du problème. Ils sont pas en manque de paquis, je pense qu'ils en ont assez. Donc peut-être que nous, on est en manque de Danoises, hein, c'est possible, hein, moi, je serais pas hostile à l'idée. Mais en tout cas, on n'est pas en manque de bougnoule, voilà. Mais Marine Le Pen voudrait peut-être nous faire croire que finalement, c'est ça sa ligne maintenant, hein, c'est le bougnoule. Bon, bah pourquoi pas, mais faut qu'il chante la Marseillaise, qu'il mange du cochon, qu'il soit pas islamiste. Et puis, bougnoule Uber à l'aise. Bon, bah écoutez, sans moi. Hein. Voilà, en fait, Marine Le Pen, en 2021, nous fait la droite Francis Bouygues. Ouais, c'est ça. C'est quand même formidable. Hein, avec 50 ans de retard, voilà. Ouais, 50. Ouais, 50 ans de retard, effectivement. Voilà, hop, on remet une pièce d'argent, on repart. Enfin, la droite non idéologique, c'est ça. Hein. C'est Francis Bouygues. On fait venir des manœuvres par wagon entier. Bien aidé par Jean-Pierre Bloch, hein, et ses petits avions aussi, qui allaient directement les chercher là-bas. Et puis après, ils sont là. Hein. Après, ils sont là, ils ne repartent plus. Elle s'enterre. Hein. Elle, c'est vraiment un boulet, cette femme. Hein. Je vois un petit peu là les cadres du parti qui essayent ouais. de ce qui reste. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont pas rester longtemps. Mais bon, je sais pas. Peut-être que, enfin, c'est son cercle proche de fanatiques. J'ai l'impression qu'ils sont pas tellement informés, en fait, les Bardella et compagnie. J'ai l'impression qu'eux, ils reçoivent des consignes point barre et c'est décidé ailleurs. Hein. Ouais, ils sont embarrassés, en fait, les types. Hein. Ils sont embarrassés, merde, ouais. Ils sont comment est-ce qu'on va défendre ça? Oui, Marine Le Pen embarrasse. C'est une. C'est une bah oui, elle embarrasse, oui, c'est ça, tout à fait. Elle embarrasse, ouais. Bah oui, alors... Mais pour le coup, le disque, Zemmour, effectivement, il a toujours dit la même chose, il dit toujours la même chose, donc l'autre ne fait qu'être nul, de plus en plus nul, et dire... Oui, là, je n'énonce pas. Hein. Ouais, enfin... L'alcool, oui, enfin, il y a tout un... Oui. Hein, l'hygiène de vie, enfin, elle enfle à vue d'œil. Oui, hein, oui, oui. Imaginez-vous, enfin... Moi, je dans un an, je pense que ça sera pas beau. C'est pas beau à voir. Hein. Déjà là, déjà là. Pour se présenter à une élection, elle va arriver avec son visage bouffi. C'est bon, je sais pas. Alors peut-être qu'elle fait exprès pour être éliminée et parce qu'elle a envie de se barrer, la conscience qu'elle est nulle, je sais rien. Hein. Moi, c'est une idée qui m'est passée par la tête. ces derniers jours, j'ai dit, mais peut-être qu'elle fait... Elle est nulle, ok. Non, là tu lui prêtes même du machiavélisme, même dans la loose, que, dont elle est incapable. C'est-à-dire qu'elle chercherait une échappatoire. Mais non, elle est juste totalement con. Bon, moi je pense que Zemmour, normalement, devrait se situer entre 5 et 10, normalement. C'est-à-dire qu'il occuperait le créneau cumulé de Dupont-Aignan et de Villiers. Normalement. Après, moi, je suis pas non plus dans le, je suis pas devin, donc on va voir. Mais alors peut-être que, mais il y a un effet de sondage aussi parce que BFM TV le surexpose, donc il y a clairement une intention de pousser Zemmour en avant. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'il y a, on voit bien que médiatiquement, lui est arrivé à bien jouer du fait d'avoir été interdit par le CSA. Donc il y a toute une effectivement une un buzz, hein, la photo aussi de Paris Match, hein, c'est ouais, assez, assez marrant. Bon, disons qu'il occupe l'attention médiatique et forcément quand on parle de quelqu'un, c'est un vrai plan. Quand tu vois BFM, tu vois très bien qu'il y a une entente pour faire monter Zemmour au détriment de Le Pen, c'est évident. Mais moi, je veux dire, ça n'aurait pas pu fonctionner si à la tête du Rassemblement National, il y avait eu un dirigeant compétent, crédible, offensif. C'est-à-dire qu'ils auraient tenté des trucs, mais ça n'aurait pas suffi, parce que la dynamique aurait été du côté du patron de la droite populiste. Or là, le problème, c'est que Marine Le Pen, qui a toujours été une gauchiste, c'est ce qu'avait dit Henri de Lesquin, d'ailleurs, dans un passage célèbre à la télévision, et comme il disait, non, mais en fait, c'est une femme de gauche, les gens ne le savent pas, mais c'est une femme de gauche. Et c'est vrai que c'est une femme de gauche, mais là... Elle s'est dit, mais en fait, tous ces cons là qui votent pour moi, ils sont captifs. Donc moi, je peux tranquillement, parce que c'est là que c'est important que ce soit une femme. C'est pour ça que vous voulez jamais avoir de femme en politique, jamais. Elle, son vrai questionnement à Marine Le Pen, comme toutes les femmes, c'est comment incarner les forces sociales dominantes. D'accord ? C'est comment je rentre dans cette société dominante avec toutes les valeurs, donc que je partage d'ailleurs très sincèrement. Comment je fais? J'ai tous ces électeurs-là qui sont des boulets, racistes, xénophobes, franchement cons. Le seul truc où elle est un peu d'accord, c'est l'islamisme, parce que quand même, imaginez, voiler des femmes, alors Marine Le Pen, là elle est d'accord. Voilà. Puis en plus, on interdit l'alcool en islam. Alors, bon, autant vous dire que... Voilà. Elle est embêtée, là. Voilà, elle est embêtée. Donc, mais sinon, elle porte le nom Le Pen. Elle a horreur de l'extrême droite et tout ça. Elle a l'impression que c'est ça qui lui a gâché sa vie. Et sa revanche, c'est de s'imposer pour se faire accepter de gens qui la haïssent profondément. Donc ça, c'est sa thématique à elle. Mais c'est une femme. Donc elle veut se conformer au consensus dominant. Elle veut pas chercher un nouveau consensus pour des convictions parce qu'elle croit sincèrement. Pas du tout. Et la dédiabolisation, c'était ça. C'était l'histoire d'une femme, comme toutes les femmes, qui se conforme à la puissance dominante. C'était exactement ça. Et qu'est-ce qu'elle fait quand t'as un mec... Parce que Zemmour, c'est un homme, l'air de rien. Et Zemmour, il dit, tu vois, typiquement comme fait un homme, même s'il est juif, même s'il y a eu des intentions machiavéliques derrière, etc. Nonobstant ça, le mec, il dit, non, moi j'assume mon truc, j'affirme mon truc, c'est l'homme qui affirme son truc. C'est une position de mec. Il dit, voilà, moi j'affirme mon truc, c'est à prendre ou à laisser. Et là... Marine Le Pen a un comportement de femme. C'est-à-dire qu'elle pense, ah ouais, non, mais l'autre, il va être diabolisé, moi, je vais montrer que, justement, je peux me faire accepter. C'est un truc de femme. Et quand elle dit, je suis pas idéologue, c'est un aveu. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, en fait, mais j'ai jamais eu de principe. Je suis une boutiquière. J'ai jamais eu de conviction, j'ai jamais eu d'idée, moi. Pas de problème. Vous voulez quoi? Vous voulez ça? Vous voulez plus? D'accord, ok, pas de problème, moi je suis pragmatique, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais c'est ce qui est. Elle a toujours été ça, elle a toujours été une femme. Et là, les gens, ils le découvrent. Mais en fait, il a fallu qu'un concurrent sérieux surgisse, tu vois, qui lui fait de la politique avec un discours politique. Et encore une fois, on fait abstraction pour le coup là des intentions réelles ou supposées. Mais il arrive, il dit voilà, moi c'est ça. il vise un électorat, il dit voilà, moi je veux faire ça, sur ces questions-là, je suis intransigeant, hors de question. Et tu vois la gonzesse, elle commence déjà à s'effondrer, etc. Elle court vers le centre-gauche et tout, voilà. Bien sûr, évidemment. Imaginez si vous avez mis cette femme à la tête de l'État en France dans une circonstance de crise. Imaginez ce qui se serait passé. Donc encore une fois, jamais de femme à aucun poste à responsabilité. Jamais, jamais, jamais. Ni comme conseillère régionale, ni comme maire, ni comme président de la République, ni à la tête d'un conseil d'administration. Rien. C'est anthropologique. Vous voyez ? Voilà. Mais déjà, le fait que l'extrême droite en France ait mis une femme à sa tête, ça résume tout. Hein. Oui. C'est vrai que ça fait 10 ans hein, qu'elle est... Attends, je précise, le fait que l'extrême droite soit sur le point de mettre un juif à sa tête, ça résume aussi tout. Ouais. Non mais bon, voilà. C'est presque moins pire, quoi. Mais bon. Anthropologiquement, en tout cas, on est sur un étiage très très proche, hein, je veux dire, c'est sûr. On est un petit peu, c'est pas Louis Ferdinand Céline qui disait que le jour où il y aurait un parti antisémite en France, il serait dirigé par une ligue antisémite où il dit le président, le trésorier, le secrétaire seraient juifs. C'est ouais, c'est un petit peu ça, quoi. On est dans des temps de prophétie de Louis Ferdinand Céline. Bien sûr. Tout à fait. Enfin voilà, bon. On va pas faire de prophétie hein, sur la suite. Ah si, quand même un point, Jean-Marie Le Pen qui... Ça m'a fait plaisir, ça. Vous allez comprendre pourquoi je m'en explique. Et pour une fois, l'attaque non. Ouais, il a dit... Non, mais si Éric Zemmour est mieux est le candidat le mieux placé du camp national, Dixit, je déciderai d'appeler... je soutiendrai Éric Zemmour. Donc, un coup de semonce du vieux en direction de sa garce de fille. Alors, un commentaire. Il a aussi dit, c'est assez, quelque chose qui est assez vrai. Oui. Il dit, Éric Zemmour dit exactement comme moi, mais comme il est juif, on ne peut pas le traiter de nazi. Voilà, ce qui est strictement la vérité. Strictement la vérité. Mais un commentaire sur l'histoire, le coup de sabot, là Enfin, j'ai envie de dire. Ouais, une bonne dizaine d'années, quand même. Ouais, c'est bon. Non, parce qu'il est ces derniers mois, il recommençait à... Oui, Marine, oui, c'était effrayant, c'était effrayant. Hein. Ah ouais, je me dis, putain, mais lui, il retraite. En fait, il nous faisait la fiche. Non, mais Fifi, quoi. C'est... Avant qu'il ne soit trop tard. Il nous faisait ça encore une fois de plus, quoi. C'est la dernière chance, ouais, mais ça fait 5 fois que c'est la dernière chance. Oui, mais là, c'est la dernière. Bon, ouais. D'accord. Ouais, non, mais là je pense que c'est un coup de semonce. Pour dire à sa fille abandonne la dédiabolisation, ce qui évidemment ne va pas se produire, on est d'accord. Oui, et puis je pense qu'il retournera, enfin je sais pas, on verra comment ça évolue. Mais... Alors moi de mon point de vue là-dessus, c'était moi je suis satisfait parce qu'en fait Marine Le Pen a tout trahi, pour commencer déjà elle avait pas les convictions du parti qu'elle a récupéré simplement à des fins purement alimentaires et de promotion sociale. Enfin bref, c'est une femme, quoi. Donc elle a récupéré un parti politique, elle en a fait une boutique gérée par une femme, rien d'étonnant. Et des homosexuels. Ça va avec. Hein. Et elle a purgé tous les gens de qualité, ou ceux qui restaient encore, qui étaient sincères. Donc elle les a tous virés, évidemment, ils sont tous en dehors. Et comme par hasard, beaucoup d'entre eux rejoignent Zemmour, fatalement. Qui a fait comprendre qu'il accueillait tout le monde. J'ai vu le message, c'était encore là, tout de suite, il n'y a pas longtemps. Là. Il a dit « j'accueille tous les soutiens ». Donc, il l'a fait à la Trump, voilà, « j'accueille tout le monde ». Donc on lui dit « oui, mais lui, il est... oui, non, j'accueille tout le monde ». Oui, et il a dit qu'il n'avait rien à faire de la diabolisation. Voilà, exactement. Donc là, il prend exactement le robot. Le contre-pied inverse de Marine Le Pen. Voilà, c'est-à-dire que c'est une démonstration par A plus B, c'est ça que j'accueille avec satisfaction, c'est la démonstration par A plus B que c'était une connerie mortelle de foutre une femme à la tête d'un parti politique dit de droite nationaliste. D'accord ? C'était une connerie. Et tous les cons qui ont promu Marine Le Pen sont châtiés. Comme ils le méritent, ça leur fera bien les pieds. Oui, voilà. Ceux qui ont qui ont été d'accord avec la dédiabolisation. Voilà. Ceux qui ces 10 dernières années. On fait du stalinisme, hein, excuse-moi. Hein. On fait du stalinisme et puis oui, on fait du stalinisme, tout à fait. C'est vraiment l'esprit des fonctionnaires pour le coup, hein, fonctionnaire d'État bolchevique. Hein. Oui, c'est bon, ben c'est que tout ce truc-là se pète la gueule. C'est quelque part c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est pas possible qu'une organisation aussi ben, c'est pourri. Hein, ça fait plusieurs années que ce truc-là on a fait les chroniques du FN et du RN ces dernières années. On va pas aller pleurer. Enfin, moi, je pleurerai pas pour la sortie de la vie politique de Marine Le Pen. Hein. Elle va pas sortir. Elle va s'accrocher avec sa petite boutique. Mais moi, ce que je veux voir, ce que j'aimerais voir, elle va s'accrocher comme François Asselineau, si tu veux. Elle fera un peu plus, mais ça serait bien. Ça suffit pour se sortir un salaire, ceci étant dit. Oui, oui. Mais comment dire, moi ce que j'aimerais, c'est la leçon politique à destination des gens qui nous ont cassé les couilles avec la dédiabolisation. C'est-à-dire en gros, la dédiabolisation consistant à se couper les couilles pour satisfaire les juifs en espérant prendre le pouvoir une fois qu'on est châtré. Oui, et à vendre, et à mettre à ses camarades, à les jeter sous un train. Exactement, voilà. Donc, hein donc voilà, en nous disant la vieille extrême droite, les lubies, le truc, le machin. Bon, maintenant, tu as Zemmour qui fait campagne sur le péténisme. Bon, voilà, donc... parce que moi, je me rappelle des leçons qu'on s'est tapées pendant une dizaine d'années, pendant que tous les mecs étaient en train de lécher le cul de la grosse Le Pen. C'était ça, hein, la vieille extrême droite, le truc. Bon, je vous dis, maintenant, Zemmour fait du péténisme. Alors, c'est du péténisme modéré, évidemment, on est d'accord, mais ce que les médias en retiennent, c'est il cherche à réhabiliter Pétain. Et le mec dit, j'en ai rien à foutre, c'est à prendre ou à laisser. Et dans les sondages, il monte. Voilà. ouais, d'accord. Ouais. Le sens politique de Marine Le Pen et de sa bande et de tous les sites internet qui ont fait sa retape, etc., qui nous riaient au nez. Hein. Je veux dire, bon, voilà, bon, c'est bon. Hein. Donc voilà. Donc moi, pour ça, tu vois, j'aimerais bien justement que au premier tour, je sais pas si ça se passera. Peut-être que Marine Le Pen passera devant Zemmour, elle sera à 16, elle sera contente, l'autre sera à 9 et tout le monde dira, vous avez vu, finalement, c'était pas ce que c'était, etc. Bon, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça me ferait marrer de voir qu'elle se fasse damer le pion. Et à défaut de se faire damer le pion, qu'elle ne soit pas au second tour. Parce que en plus de tout ce qu'on a dit, le comportement de diva à laquelle on doit tout, typiquement de femme. Enfin, c'est ça, on est vraiment. Non, mais elle est nulle. Elle est nulle si tu veux, sauf qu'elle a l'impression d'avoir le droit à tout. Rends-toi compte quand même, elle a été au second tour d'une élection présidentielle, si tu veux. Moi, je suis quand même plus serein dans ma tête en sachant qu'elle n'a pas la possibilité d'envoyer des bombes nucléaires quelque part. Je crois pas que les généraux français l'auraient laissé approcher le boîtier, mais bon. Ouais. Ils auraient débranché les fils, je pense, mais bon. La bombe nucléaire qu'elle aurait utilisée, ce serait la bombe nucléaire de Mayotte. Je pense qu'elle aurait mis un pan aérien avec Mayotte. Pour faire venir des Français. Non, mais voilà. Rien que quand on pense à Marine Le Pen, Mayotte, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah oui, il y a un problème, oui, mais on a passé quand même les 5 dernières années à le dire, hein, quand même. Hein. Et en étant relativement isolé jusqu'à la survenue de Zemmour, hein, je le dis aussi. Oui. Parce que Zemmour, le phénomène a commencé un peu au début de l'été, quand il a commencé à dire « je vais me présenter », etc. Puis là, ça se formalise. Alors maintenant, on lui donne des sondages avantageux, donc c'est encore plus... voilà. Mais je veux dire, jusqu'au mois de mai 2021... on n'était pas très nombreux à dire que Marine Le Pen était quand même un énorme boulet. Hein. C'était pas très... Moi, je suis désolé. Hein, alors oui, peut-être un petit peu chez Philippot, voilà, des gens qui étaient intéressés à la partie politique, et voilà, qui vendent leur truc, tu vois. Mais franchement, au niveau de l'opinion, etc., bon, si, à l'exception de Rivarol, qui a toujours été très clair là-dessus. Enfin, voilà. Alors, je sais pas. Parce que bon, Ah oui, maintenant, par détestation de Zemmour, est-ce qu'ils vont se rabattre sur... Oh non. Non, moi j'invite nos amis de Rivarol à faire le choix de l'abolition de la démocratie totale et en disant on s'en fout des élections, je veux dire. N'appelez pas. Non, parce que c'est vrai aussi ce que tu dis. Je vois, par un antisémitisme non assumé en plus, c'est ça qui est le pire. Alors, c'est pas le cas de Rivarol, hein, mais un antisémitisme non assumé des gens qui disent il faut voter impérativement Marine Le Pen. Et ces gens-là, c'est par antisémitisme. Et ça, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Surtout quand tu vois la cour odieuse que Marine Le Pen a fait au jeu. Enfin, elle a quand même été d'abord, elle a recruté hein, le Collard, qui n'a jamais su ce que c'était une bouteille de shampoing, pour aller manifester pour la vieille Knoll, faire son numéro de cirque. Elle a quand même osé ça, je veux dire. La vieille Knoll qui a été assassinée dans une histoire de mœurs avec un arabe qu'elle avait dénoncé à la police parce qu'il avait touché le cul de la gamine de sa ménagère. Enfin, une histoire qui n'a rien à voir, contrairement à toute la juiverie a inventé de toutes pièces avec tous ces médias. Il n'y a rien eu. Elle s'est précipitée là-dedans pour prendre la pose. L'infâme traîtresse qui porte le nom de Le Pen, je veux dire. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Alors, ça remonte, il y a prescription, d'accord ? Donc, ne me jetez pas des tomates. Mais il fut un temps où je m'étais, il y a très longtemps, hein, j'étais proche du Front National, et je m'étais rendu à un meeting de Marine Le Pen, d'accord ? Et j'étais un peu à la bourre, et puis j'étais un peu bourré aussi, mais bon, ça c'est notre histoire. On était avec des potes, et puis on arrive, et vous savez, il y a souvent un chauffeur de salle avant que Marine Le Pen se présente vraiment. Donc là, c'était Collard qui faisait son numéro, donc j'étais arrivé en plein milieu de l'intervention de Collard. Et jusqu'en rentrant dans la salle, il est en train de parler d'identité, d'immigration. Il fait « Oui, et machin, et contre ces immigrés qui ne respectent rien, même pas nos compatriotes juifs !» dans la salle. Hein, quoi ? Quoi ? Quoi ? Dans la salle, quoi ? Juste quand tu rentres dans la salle, ouais. Ah, moi, j'aurais sifflé, moi. J'aurais « Ouh !» tu vois. Alors, Collard, faut savoir que dans les années 80, Collard a soutenu les candidatures trotskistes. Oui, comment il s'appelle Lambert hein Les Lambertistes du Parti des Travailleurs, en mettant la focale sur la situation des migrants clandestins dans les centres de rétention, dans les années 80. Tout à fait. Vous pouvez trouver encore faut savoir que Marine Le Pen était avocate de sans-papiers aussi. Hein. Ouais, et s'en est vantée aussi. Il y a effectivement le clip de campagne du candidat de ce parti-là où on voyait Collard. Ouais, on voyait pas que Collard, on voyait aussi Monsieur Corbière. Et oui, Corbière vient du lambertisme, exactement comme Mélenchon. D'accord. Voilà, je me souvenais plus de Corbière. Monsieur Lambert, de son vrai nom, Boussel Greenberg. Judéo-bolchevisme, quand tu nous tiens. Oui. Non, mais les Français sont gouvernés par des commissaires politiques juifs, comme dans la Russie de 1919, et ils en ont aucune idée. C'est ça le plus beau, parce qu'au moins en Russie, t'étais informé. Tu vois, mais les Français, on est en démocratie. Voilà. Quand tu as la censure qui est objective, si tu veux, c'est gros, tu essaies de t'informer un peu quand même. Tu essaies de frayer, si tu veux. De faire un chemin. Quand tu es dans l'opulence d'informations, la démocratie, etc. etc. Oui, bon, dont se plaint d'ailleurs la commission qui vient d'être nommée, d'ailleurs. Oui. Oui. Oui. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'il reste quand même les mensonges des Goïms. Voilà, les mensonges des Goïms qui... Certains arrivent aux oreilles de ces braves troupeaux. Bah, le complot Goï mondial, hein ? Complot Goï mondial. Les protocoles des Goï. Ah, je crois qu'on a trouvé le titre de l'émission. De Dijon. Les protocoles des Goï de Dijon. De Dijon. Alors, messieurs, avant de nous séparer, et on va rester sur un truc électoral, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, il y a une circulaire qui a été mise par M. Blanquer, hein, qui était très occupé ces derniers temps, quand même, à foutre dehors les élèves des classes, parce qu'ils pourraient quand même contracter le rhume 19, hein, très virulent, très mortel. Alors, je suis obligé de vous lire ça, parce que c'est quand même pas piqué des hannetons, et c'est pour vous rappeler dans quel pays on vit. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a publié un texte destiné à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école afin de clarifier le rôle que doit tenir l'institution face à ces transitions de genre, entre guillemets, souhaitées par un nombre croissant d'élèves. Cette circulaire, intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire », est parue jeudi soir au bulletin officiel. Elle reconnaît les droits des élèves transgenres et fixe les règles protégeant leurs droits. Alors, je vous passe un peu le baratin, mais les mesures... Les mesures sont intéressantes. Alors, voilà. Alors, la question du changement de prénom d'abord. Si l'élève est mineur, lorsque la demande est faite avec l'accord des deux parents, il s'agit alors de veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative, indique le texte. C'est-à-dire les pions, enfin, tout le monde va l'appeler, tu vois, donc il y a Mathieu, voilà, il s'appelle Mathieu, ou Dylan, hein, voilà, il est rebaptisé en Jacinda, en l'honneur de la première ministre d'un pays bien connu. Voilà. Et alors, tous les profs sont tenus de l'appeler Jacinda, hein, sous peine de sanction, bien évidemment. Ce prénom d'usage est substitué par l'établissement scolaire de manière cohérente et simultanée dans tous les documents qui relèvent de l'orientation interne, liste d'appels, carte de cantine, carte de bibliothèque, ainsi que les espaces numériques, ENT, etc. En revanche, il ne sera pas pris en compte pour les épreuves de certains diplômes nationaux où seul le prénom inscrit à l'état civil est valide. Concernant les tenues vestimentaires, donc je cite la circulaire, hein, « Le respect des choix liés à l'habillement et à l'apparence est également un aspect important de la reconnaissance de l'identité de genre de ces jeunes », souligne la circulaire. Cependant, il convient également de s'assurer que les règles de vie scolaire ne font pas l'objet de consignes différenciées selon le genre. Ainsi, les vêtements et accessoires autorisés et interdits le sont pour tous les élèves sans distinction. Concernant l'usage des espaces d'intimité, toilettes, vestiaires, dortoirs, le texte liste plusieurs options pouvant être envisagées à la demande des intéressés et selon les disponibilités des lieux. Alors voici. L'établissement peut ainsi, quand il n'y a pas de toilettes mixtes, autoriser l'élève à utiliser les toilettes et vestiaires conformes à son identité de genre. Traduisez, donc Dylan, qui est maintenant Jacinda, a le droit d'aller pisser avec les filles. Voilà. Pour l'internat, il peut autoriser l'élève à occuper une chambre dans une partie de l'internat conforme à son identité. Eh ben maintenant, Dylan, il a le droit d'aller dormir avec les gonzesses. Pour les vestiaires et douches collectives, il peut convenir avec l'élève de la mise en place d'horaires aménagés. Alors, c'est comme en islam, sauf que les musulmans, ils n'ont pas le droit dans les piscines. Hein. C'est interdit. Ça vous portez atteinte. Vous rappelez, hein, quand les municipalités mettent en place des horaires différents pour les hommes et les femmes, ça, c'est pas possible. Parce ouais, que c'est la grosse sobrie, là. Ouais, c'est une atteinte à la laïcité. On n'a pas le droit de le faire pour les musulmans. Par contre, au nom du LGBT, ouais, il y a des horaires aménagés. Ça, c'est possible. Hein. Alors, pour les vestiaires et douches collectives dont j'ai parlé, ouais, ces choix doivent aussi, dans la mesure du possible, s'appliquer lors des déplacements, sorties et voyages scolaires. Voilà, ça promet des trucs très intéressants. Alors, messieurs, ça y est, c'est bon. Les supposés garçons ou filles qui se griment dans le sexe opposé, dans le corps du sexe opposé, hein, à l'école, donc il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de spécificité, pardonnez-moi, il n'est pas spécifié à quel niveau, donc je présume que c'est valable dans tous les établissements, hein, eh bien, ces règles sont censées s'appliquer désormais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense qu'il y a 2-3 ans, ça nous faisait marrer quand on entendait parler de cette histoire de chiottes publiques aux États-Unis. Maintenant, c'est dans les internats de la France et de Navarre, y compris dans les coins les plus reculés de campagne. Est-ce que ça vous... qu'est-ce que vous pensez de ces décisions de Macron, de Blanquer? Voilà, là, maintenant, là, de faire ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une connerie qui se passe aux USA, généralement ça arrive chez nous 2-3 ans plus tard, quoi. Donc faut se méfier de nos rires nerveux qui peuvent arriver. Ouais, alors je me demande si tout ça n'a pas été pensé par tout un tas de, on va dire, de pontes pédophiles qui cherchent à enculer des gosses, parce qu'il faut le dire, tout ça vient à chaque fois toujours du même milieu, d'un milieu homosexuel. Alors oui. Certes, tous les homosexuels ne sont pas pédophiles. Quoique... oui, j'ai mis des réserves là-dessus, oui. Voilà. Par contre, tous les pédophiles, voilà quoi. Hein. Je pense qu'ils en sont plus ou moins. Hein. Ouais, non, pas tous les pédophiles sont des homosexuels. Il y a des violeurs de filles, de petites filles aussi. Hein. Ouais, mais ouais. Statistiquement, il y a... Oui, il y a plus quand même. C'est très déséquilibré. On peut parler d'exception, mais c'est vrai qu'en termes de proportion, moi je suis convaincu que, si vous voulez, ces gens-là sont intéressés par le fait de vouloir... travestir nos gosses, ce qui généralement oui. d'ailleurs se passe pas très bien dans un dans les sociétés acceptent pas mal de choses, mais dès qu'on commence à toucher aux gosses, peut-être que les Français vont se réveiller. Ouais, voilà, ils sont à l'aise, hein, là on pique les gosses, là on les déguise en filles, je veux dire là ils sont quand même assez à l'aise visiblement les Français. C'est vrai qu'on les fait piquer de force aussi les gosses et les Français, ouais allez-y, piquez mon gosse. Ouais, regarde dans les pays musulmans, les pays musulmans comme le Maroc, ils sont très à l'aise avec ça. Ouais. Ah bah ouais, quand même, hein. Donc ouais. Mais ça va bien se passer, tout va bien. Ouais, enfin, non, tout, mais... tout ça est très nouveau, hein, j'ai envie de dire. On va dire depuis que l'homme construit des civilisations, il n'y a jamais eu ces histoires de Stéphanie qui voulait se faire appeler Gérard et puis porter un papillon. Bah si, il y a eu des histoires de travestissement, mais pas d'en faire une politique d'État, on va dire. Voilà. Et donc pourquoi finalement on en retrouve ce genre de cas? Pour deux raisons très simples. Déjà la propagande énorme. Que vous subissez sur à peu près tous les médias pour faire de nos gosses des travelots transgenres avec 47 genres. Tu regardes la liste des genres, je comprends même pas les intitulés. C'est le pouvoir donné aux femmes. Donc, voilà, c'est exactement ça. Les femmes veulent faire n'importe quoi avec leurs gamins. Donc tiens, n'importe quoi, autant... non mais mon fils... non mais 3 ans, c'est... Là, tu vois, hein, il est bah spécial, il n'est pas pareil, tu vois. Elle se fait mousser auprès de ses copines. Le premier point que je voulais en venir, c'était la propagande. Puis le deuxième point, c'était les parents. Et vous savez, justement, quand vous regardez sur les médias, la Combini, Vice, toute la merde, là, où vous avez des parents qui disent « Ah, finalement, mon fils, il aimerait bien se faire appeler Juliette et porter des jupes. » Eh ben, la personne qui témoigne, qui sait, eh ben, c'est jamais le père. C'est jamais le père, c'est toujours la mère qui dit que... Non, il faut que mon fils soit plus inclusif, ouvert, machin, mon cul. Ouais. Et puis alors quand c'est des couples de PD qui kidnappent des enfants, parce qu'en fait ils adoptent pas, ils kidnappent des enfants, voilà, c'est après tout imaginer. Hein. Comme par hasard, le gamin se découvre une sexualité différente. Ouais. Il faut surtout pas le freiner. Non, vous rendez compte, il est dans un âge où il faut apprendre et tout. 2-3 ans après, il se fait enculer par ses parents. Il est très important de reprendre quiconque devant vous. Je viendrais vous dire que les homosexuels adoptent des enfants, effectivement. Les homosexuels n'adoptent pas des enfants, ils les kidnappent. Ils les kidnappent avec plus ou moins de bienveillance par l'État. Soit c'est autorisé. La loi autorise le fait qu'ils adoptent, soit ils adoptent ailleurs, et puis leur prétendue paternité. La filiation est reconnue par la suite par l'État. Je crois que c'est ce qui se fait en France maintenant, en gros. Hein. Et non, ces gens-là sont des kidnappeurs. Ils doivent être traités comme tels. Et des fois, ça se passe très mal, puisqu'on envoie ensuite des commandos, enfin Macron envoie des commandos pour les sauver dans des frontières africaines, et tu as deux commandos qui sont morts, qui étaient hétérosexuels avec des enfants, pendant que les fiottes sont ramenées à Paris en première classe. Oui, tout ça. Ah oui, voilà. Oui, voilà. Donc, les homosexuels qui étaient allés chercher des petits enfants. Qui étaient allés kidnapper des négrillons. Au Bénin. Voilà, kidnapper des négrillons. Et ce dont avaient été informés, en fait, des islamistes du Mali, qui étaient partis faire un raid pour les récupérer. Tout à fait. Voilà. Donc, deux militaires français, alors de bonne race, en plus. Là, je oui, c'est les forces spéciales. Hein, c'était les... Qui donc sont morts pour sauver les fiottes. Donc, voilà, c'est... exactement. Donc, si vous voulez, il y a une économie. Hein, mais il y a une économie, je veux dire, de l'anal. Mais au-delà de ça, c'est la conséquence du féminisme, ce truc. C'est-à-dire qu'on essaye de normaliser la féminisation des hommes. Parce que c'est quoi, les trucs transgenres? Il y a quelques femmes qui essayent de se faire passer pour des hommes, mais... Soyons sérieux, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ce qu'il y a de plus courant, c'est des hommes qui se travestissent, en fait. Et ça, c'est le résultat direct de la féminisation. Enfin, c'est la phase finale de la féminisation de l'homme et de la masculinisation de la femme, qui est le but du féminisme. Hein. Donc, le féminisme cherche à masculiniser les femmes, à leur donner des postes de responsabilité, à occuper le rôle des hommes jadis, et à rabaisser les hommes au rôle des femmes. Et j'utilise le mot rabaisser à dessein, puisqu'il y a une inégalité foncière entre les rapports entre les deux sexes. Et du coup, bah oui, quand vous encouragez la féminisation des hommes, au bout d'un moment, vous avez des hommes, entre guillemets, des mâles bêta qui vont au bout du truc, c'est-à-dire qui se déguisent en filles. Et l'institution, dans un système vaginocratique, doit accepter ces mâles bêta. C'est évident, vous n'avez pas le choix. D'accord ? Et là, vous voyez toute la puissance étatique de cette vaginocratie rentrer dans la danse. Donc, bien sûr, c'est du lobbying LGBT. C'est-à-dire que les fiottes sont intéressées dans la partie. C'est-à-dire que les fiottes veulent toujours recruter de nouveaux homosexuels pour satisfaire leur pulsion de malades mentaux. Mais c'est la conséquence de l'institutionnalisation de la féminisation, induite par le féminisme, notamment légal et institutionnel. C'est ça qui se passe. D'accord ? Et les deux sont concomitants. Et vous le verrez toujours sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a une mesure à prendre pour normaliser l'attitude des fiottes, que ce soit effectivement la dite adoption, le kidnapping, tous ces trucs-là, le pseudo-mariage, puis demain, qu'est-ce que ça sera, on verra. Et à chaque fois, vous n'avez qu'à lire les commentaires, c'est des cohortes de femelles blanches qui disent « s'ils s'aiment ». Tu vois ? Oui, oui, oui. C'est toujours pareil. T'as pas beaucoup de mecs qui se précipitent en disant « ouais, non, les mecs sentent, tu vois, instinctivement, ils sentent qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Ils sentent que c'est pas... » Ça va pas en France, de moins en moins, malheureusement. C'est l'instinct du français, l'instinct de survie du français, c'est pas ça, hein. Tout à fait, parce que si tu veux, tu as aussi... À force il y a un conformisme des gens en fait, qui se fait. Ouais, puis on les déforme par la puissance de l'État, par l'ingénierie sociale, par l'éducation. Déjà tout petit, on les prend génération après génération. Ça fait quand même au moins trois générations, si c'est pas quatre, de féministes. Au bout d'un moment, tu as un effet culturel sur les mecs et tu as des mecs qui sont des fiottes. Et paradoxalement d'ailleurs, ça alimente le féminisme parce que les femmes sont frustrées de ne plus avoir des mâles alpha. C'est ça. Donc elles sont frustrées de ne pas avoir les mâles. Ça participe à la laideur du monde. Exactement. De ce pays en particulier. Donc voilà, donc c'est une spirale. Et là, tu les vois dans le même mouvement. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça paraît contradictoire. Tu vois donc ces connasses plébisciter toutes les conneries pro-homosexuelles, mais vraiment toutes. Hein. Elles les plébiscitent toutes. Et dans le même temps, tu les vois dire, à chaque fois, tu as des barbus qui viennent d'Afghanistan, de Somalie, les mecs arrivent, tu sais que les types sont des mâles agressifs, musulmans, partisans de la charia, c'est-à-dire vraiment, ils sont ouverts sur la question de l'homosexualité, c'est-à-dire en islam, c'est absolument, absolument sûr, en Afghanistan un peu moins, je suis d'accord, mais dans les autres pays musulmans, c'est clair, quoi, c'est la répression, le rôle des femmes, c'est évident, ils arrivent par millions, et tu vois toutes les femmes blanches, les mêmes qui défendent les droits des homosexuels, ils disent « Ah, il faut les accueillir !» Celui qui comprend ils ont le droit de vivre. Celui qui comprend pas que c'est la stratégie de féminisation des hommes blancs qui génère cette frustration sexuelle des femmes qui sont pas satisfaites avec ces mâles bêta fabriqués en quantité industrielle, qui compense en important des mâles agressifs venus de l'extérieur. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société française. Donc le problème fondamental aujourd'hui dans la société française, c'est même pas l'immigration, c'est une conséquence. Le problème, c'est le féminisme. C'est la position des femmes dans la société. Et le refus des hommes d'occuper leur place naturelle. C'est ça l'enjeu. Le féminisme, si tu veux, c'est une conséquence aussi, comme tu dis, de l'affaiblissement de l'homme. Exactement. Affaiblissement de l'homme, affaiblissement de la race. Voilà. Et c'est... Enfin bon, moi, comme... enfin, quand on regarde l'état de ce qu'est la France, de ce que sont les Français... C'est pas très joyeux. Hein. C'est pour ça que j'ai formellement pris contact avec les talibans pour rejoindre leur rang. Je vais ouvrir une. J'ai dit, les gars, je vais ouvrir une franchise. Il y a du potentiel. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire. Non, mais bon. Et d'ailleurs, intéressant avec Zemmour aussi. Alors, on va voir jusqu'à où il va pousser ça, d'ailleurs. Je serais intéressé de le voir. Non pas que je suis devenu une groupie de Zemmour, hein, attention, hein, bon, de toute façon, les élections, j'en ai rien à foutre. Mais je veux dire, je serais curieux de voir lui qui a écrit justement sur le thème du féminisme, un bouquin, etc., donc qui est quand même au fait de tout ça, je serais curieux de voir comment il va formuler un discours là-dessus et des propositions pratiques. Alors, il va pas dire, je pense pas qu'il va faire campagne sur le féminisme, mais je serais curieux de voir, avec des mesures sociales, notamment sur la démographie, etc., comment il mettrait ça en avant. Je suis très curieux de voir ça. Parce que vous n'aurez jamais ça avec Marine Le Pen. Par définition, c'est une femme. Vous voyez ? On est au cœur du problème. D'accord ? On est au cœur du problème. Donc jamais Marine Le Pen ne récusera le féminisme. Jamais. Avec Éric Zemmour, parce qu'il a écrit sur le sujet, au moins... Il est connu pour ça. Hein. Voilà. Moi, je suis curieux. Juste pour, pour que ça soit un sujet de débat, je veux dire, dans une présidentielle, je serais très curieux de voir ce qu'il va mettre sur la table. Voyez. Et comme il n'est pas juif, il ne va pas sortir des thèmes un peu catho, dont tout le monde se fout, parce que tu vois, quand De Villiers, tu veux te parler de la famille traditionnelle, quoi, tout le monde dort, quoi, je veux dire, voilà. Alors lui, comme il n'est pas juif, il ne va pas utiliser, si tu veux, des éléments de langage catholique. Comme il est juif, du coup, tu veux dire. Oui, parce qu'il est juif, je veux dire, il va utiliser des éléments de langage qui ne seront pas, si tu veux, issus de, de cet univers catholique traditionnel, quoi. Il va utiliser des trucs beaucoup plus terre-à-terre de la vie quotidienne, quoi, tu vois. Et du coup, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Et là, j'ai hâte de voir justement cette droite d'enculé jongler avec, oui, avec l'abandon du féminisme. J'aimerais bien voir ça, quand même. Oui, oui, parce que c'est vrai que dans toute cette partie-là, tous les soutiens de Marine Le Pen et compagnie ont embrassé le féminisme. Oui, surtout le LGBTisme, d'ailleurs. À grand bras. Mais qui est concomitant pour les raisons qu'on a dites, je veux dire. Ça fait. C'est pas un hasard si c'est la matrone féministe Le Pen, multidivorcée, pro-avortement, maintenant pro-immigration, qui s'est entourée d'une cour de PD. C'est-à-dire que c'est la France en modèle réduit, Marine Le Pen et le Rassemblement National. C'est ça qu'il faut voir et que personne visiblement n'a vu, quoi. En tout cas, jusqu'à présent. Ça me fait, j'en rigole. Voilà. Bon, en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'au moins Zemmour, lui, il aime les femmes. Ça, au moins, c'est une certitude. Bon, c'est... Peut-être que Marine Le Pen aussi. Hein. Par aigreur. Je pense. Hein. Je n'en dirai pas plus. Ouais. Bah, moi, je disais encore. Des infos, Eric. Eric a des infos. Ah, témoignage de femmes. Pudeur et le vœu. Dans la vulve. Pudeur et le vœu. De Ricard. Oh putain. Le god Ricard. Le strapode Ricard. Marine Le Pen, c'est le Sancerre. Sancerre, d'accord. Ouais. Ouais. Puis elle jette quand elle s'en sert plus, quoi. Allez, les petits gars, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.